fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais geekez-moi! Salut à tous, c'est OnlyForGamies pour ce nouvel épisode de Mais geekez-moi, épisode numéro 3, accompagné de mes collègues, comme d'habitude, donc nous avons Guise. Salut. Et Seb. Salut à tous. Et pour cette première partie, ce sera comme d'habitude, nous allons voir ce que nous avons fait depuis le dernier enregistrement. Allez, pour commencer, je donne la main à Guise. Vas-y, raconte-nous un peu ce qui s'est passé depuis le mois dernier. Bah écoute, depuis le mois dernier, on a fait pas mal d'Apex. Du Resident Evil toujours, qui n'est toujours pas fini. Oui, ça traîne un peu. Bah, j'ai décroché à cause d'Apex. Et Seb aussi. Oui, un peu. Voilà, ok. Niveau jeu, c'est à peu près tout. D'accord. J'ai pas beaucoup, je fais beaucoup d'Apex. Sinon, j'ai commencé et fini la série Umbrella Academy. Ah, j'ai même pas recommencé. C'est le truc de super-héros, là, ça. C'est ouais, un peu des tocards. Ouais, non, ça. C'est pas des tocards. Tu te racontes un peu ou... Ouais, bah vas-y. En fait, c'est 49 femmes qui tombent enceintes, mais qui ne sont sans rapport sexuel, en fait. D'accord. Elles sont tombées enceintes comme ça. La Vierge Marie, quoi. Voilà. Et en fait, il y a 49 bébés qui naissent avec des pouvoirs. Et il y a un milliardaire qui décide d'en adopter le plus possible. Il en adopte 7. Et de là, il crée la Umbrella Academy en essayant d'en faire des super-héros. Mais ils ont des pouvoirs ou pas? Ils ont des pouvoirs. Ah, voilà. Voilà. D'accord. C'est pas des pouvoirs fantastiques, mais... Ça peut être un truc à regarder. Un peu la X-Men, quoi. Ok. Oh, bah, je pense que je me pencherai. Mais t'as une nouvelle série qui est sortie, là, il y a avant-hier. Love, Rebot et Death. Love, Death et Rebot. Ouais, t'as 18 épisodes de trucs différents. Dessus, mais... Ça a l'air sympa. Bon, bref. Je laisse continuer. Et donc, ensuite, j'ai commencé Netflix. La série Fairy Tail, que certains doivent connaître. Mais j'ai repris. Oui, mais j'ai recommencé dès le début parce que je l'avais pas. Je suis à l'épisode 27. Ouais, je suis à l'épisode 22, je crois, 23. Ah bah tu vois, il y a pas très longtemps. Ouais. J'ai commencé ça. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Donc, c'est. Ok. C'était un bon petit mois. Petite actualité geek. Et donc maintenant, vas-y Seb, toi, raconte-nous depuis le mois dernier. Alors, moi, niveau jeux vidéo, j'ai eu pas mal de tests. J'ai reçu pas mal de tests à la maison pour le blog. Toy Jam et Earl, dont on va parler tout à l'heure. Ouais, donc ça, t'attardes pas là-dessus. Voilà. Dirt Rally 2. Oh, ouais. Excellent. Il y a quelques jours, la SNK 40e anniversaire collection. Donc, pour ceux qui aiment le rétro gaming. C'est de la baston, ça. Non, pas que de la baston, non. SNK, ah oui, c'est SNK, oui, c'est SNK, tout ce que... Donc t'as du Metal Slug certainement dedans. Non, il n'y a pas Metal Slug, mais il y a Ikari Warrior par exemple. D'accord. C'est assez connu. Non, ça ne me parle pas. Il y a une vingtaine de jeux comme ça, arcade console, qui, de ce que j'ai fait un petit peu là, c'est pas mal. Ok. Aussi, il y a The Voice, ceux qui sont prêts de karaoké. J'ai vu ton tweet. C'est pour ma chérie. Ma chérie était fan, allez, on l'essaye. C'est toujours marrant. Jeux vidéo, c'est tout. Je suis allé au cinéma il y a quelques jours voir Captain Marvel. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais en parler un peu d'ailleurs. Ouais, alors on va bien sûr pas spoiler parce que vous l'avez toujours pas vu. Ah, moi je m'en fous, comme d'habitude, le spoil s'en bat les couilles. Alors il a été beaucoup critiqué. Moi personnellement, je l'ai trouvé bien. Il y a tout ce que je recherche dans un film Marvel. C'est drôle, il y a de l'action, il y a une histoire. Après, il faut se dire que c'est un épisode qui raconte son histoire. C'est pas. Ah, c'est une origin story. Voilà. Tout le monde l'attend comme quelque chose qui va apporter un plus à Avenger qui sort le mois prochain. Non, c'est juste que ça raconte l'histoire d'un personnage. Ça s'arrête là. Faut pas s'imaginer qu'on va apprendre quelque chose de oufissime sur Avenger. C'est pas du tout ça, quoi. Donc non, moi personnellement, j'ai aimé l'actrice en plus. Elle est bien. Très bien. Ah oui, elle joue très bien aussi. Non. Et puis alors, on retrouve Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Ouais, bah apparemment son traitement il était plus jeune et plus foufou, moins sérieux que dans les Avengers. Il est bien rajeuni. Ouais. Et puis oui, bah il joue forcément le rôle de quelqu'un de moins expérimenté, donc il le fait bien. D'accord. Non, moi j'ai pas été déçu du tout, j'ai bien aimé. Bah, l'acteur en lui-même déjà, ça va. Voilà. Après, c'est pas forcément mon film préféré de Marvel, mais. Non, moi je l'ai aimé, t'as je le reverrai bien. Ouais. Et sinon, l'actrice, on la découvre dedans ou on l'a déjà vue dans autre chose? Non, moi je l'avais pas vue dans autre chose encore. Je a fait d'autres jeux, je vois même pas films, sa gueule. Quelques séries, mais non, je l'ai. Moi personnellement, je l'ai découvert. Et après, juste pour, parce que je suis toujours malgré tout, j'ai regardé aussi les deux derniers épisodes qui sont sortis de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball. Oh putain. Oui, j'ai regardé. J'ai oublié. Ouais, j'ai pas regardé le dernier, mais j'ai regardé le dernier. Fan service à mort, c'est. Oui, non, je me suis arrêté quand je sais même plus. Si quand les planètes, ils ont pété les chaînes. Donc, tu vois. Ah oui, donc t'as, deux épisodes de retard. Ouais, bah ça, les deux quoi. Peut-être 3, je sais pas. Je sais pas, moi non plus, pas bon. Enfin bon, fan service à mort, c'est. Oh, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. On dit ça, mais il y a World Warrior là, ou je sais pas quoi, là, qui va sortir. Donc, c'est commercial. C'est très bien, voilà. C'est commercial. C'est du fan service. Bon. Voilà. En jeu, c'est peut-être moins qu'en série, parce que bon, c'est un peu de l'abus. Bref. J'attends la suite 2. Dragon Ball Super, ça c'est sûr. Qui va arriver bien. Tous les trois là, l'attendre. Mais non. Je me mets ça sous la dent. Très bien. C'est tout. C'est tout pour toi. Ah oui, tu commences. Vas-y. C'est vrai, comme il l'a dit, il a eu un test. Tu peux croire, je connais pas le nom. J'ai eu Dirt Rally. Non, là. Toadjam. Voilà, t'as fait un test. Donc c'est vrai que moi, ce mois-ci, du coup, je me suis mis sur Zelda. Oui. J'ai oublié de le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ah oui, ça va être intéressant. Il me tarde, en fait, quelque part. Alors, moi, pour ma part, donc je notais des news, parce que bon, vous parlez pas de news, mais bon, moi j'en ai noté, c'est vrai que normalement, c'est pas les news. Mais déjà, pour ce que j'ai fait, moi, de mon côté, en termes de jeu en cours, j'ai commencé Horizon Zero Dawn. C'est très rigolo, il est sympa, il est beau quand même pour un jeu qui a plus de 2 ans quand même, j'étais étonné. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de points sur la carte qui te donnent envie d'explorer, donc c'est un peu le style Ubisoft, tu vois. Tu découvres la carte et t'as beaucoup de choses à faire, vraiment énormément. Faut que je l'explore un peu plus. Après je me suis mis à Golden Sun, qui est un RPG sur Game Boy Advance. T'avais déjà fait? Non, j'avais jamais fait. Non. Donc je m'y suis mis sur ma Game Boy modée. Très agréable de jouer avec un écran couleur, avec de la lumière. J'ai lâché Dragon Quest parce que ça m'a gonflé, inintéressant en fait au bout d'un moment. C'était l'Odyssée des Rois Maudits que t'avais fait. Ouais, et ben je me suis endormi limite. Je fais je laisse tomber, on verra plus tard. Et j'ai joué beaucoup à Apex aussi. Et Tetris 99 qui est sorti il y a pas longtemps, mais ça on en rediscutera dans notre partie Battle Royale, de toute façon. Parce qu'Apex, de toute façon, on y joue tous les trois. Il y a squad de 3, on est 3, c'est très bien. C'est parfait. Et après dans les nouveautés... Ah si, j'ai changé de portable aussi. Voilà, je l'ai noté en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé de portable. J'ai changé de portable. Ok. Voilà, mais je suis très content. Même avec l'écran percé, c'est bon. Et c'est pas un Samsung, c'en est un autre. Et dans les nouveautés, on peut parler des téléphones pliables que vous avez dû voir. Okay. Le Samsung Fold et le Huawei Mate X. Alors le Huawei, il déchire. Le Samsung, il a chié. Je sais pas ce qu'ils ont branlé là. Je sais pas si vous avez vu les images. J'ai un peu suivi, sans plus. Le Samsung, il est tout allongé. T'as un premier écran allongé. Quand tu l'ouvres, t'as un autre écran à l'intérieur. Le Huawei, t'as un écran tout autour. Et voilà, c'est le même écran. Ouais, franchement, les Chinois, ils vont conquérir le monde. Ça fait vraiment qu'ils en parlaient de ça. Ça traîne. Et t'as Motorola qui vont sortir le Razer, tu sais, leur téléphone. Et ce sera un petit carré. Quand tu l'ouvres, là, t'as tout l'écran. Ça peut être une proposition intéressante. Plutôt que d'avoir une tablette, téléphone. Bon, ouais. Okay. Après, sur le film Kaamelott, on a eu des news. Et donc, il sortira. Oui. Tu vois, je te l'avais dit. En 2020, le 14 octobre. Voilà, donc impatient. Fin d'année, on a Pokémon Épée Bouclier, on a eu le trailer. Donc il y en a plein aussi qui critiquent parce que le moteur, on dirait celui de Soleil et Lune. Putain, mais les gars, on a un Pokémon sur console de salon, soyez heureux. Point. Et la dernière news aussi, oui, Xbox Game Pass sur Switch, iOS et Android. Oui, c'est vrai. Et ouais, ça c'est une bonne news. On va avoir une... C'est bien les téléphones. C'est ta faute, t'as dit bonjour. Ah ouais, je peux te dire. Ouais, le Xbox Game Pass qui arrive sur Switch. Donc on pourra jouer à des jeux de Xbox sur Switch. Il y a déjà 2 jeux annoncés. D'accord. Pourquoi pas ? C'est la multiplication des services quelque part. C'est logique. Est-ce que c'est une façon d'essayer de plus un peu plus contrer Sony ? C'est une alliance. Je sais pas, parce que c'est bizarre. Au bout d'un moment, on va l'avoir partout. Parce que t'as le PlayStation Now, t'as Nintendo qui sont à la masse. Ouais. Pas moi qui l'ai dit. Ben non, mais technologiquement, ils ont toujours été à la masse, de toute façon. Ah oui, sur un point de vue technologique, oui, les consoles Nintendo sont moins puissantes que les autres. Après, c'est le côté ludique qui est plus poussé. C'est leur créneau. Voilà un peu pour les news. Et après, il n'y a rien qui me vient en tête. Il y a la GDC en ce moment même. Donc, c'est la conférence des développeurs. Donc, on aura plein de news le mois prochain. On va voir ce qui se passe. Tout le monde attend Google avec la fameuse manette que vous avez dû voir sur le réseau. Qui a chié, mais c'est une vision d'artiste. Bref, et on va directement enchaîner sur la suite. Donc c'est moi qui ai proposé ça, un dossier PlayStation, parce qu'en fait on est des enfants quelque part PlayStation depuis le collège. Je suis désolé, on est dessus, tous, et ça nous suit jusqu'à présent. Ah, depuis la PlayStation 1. Voilà, c'est un peu ce qui nous a réunis, on va dire. On a fait un choix. T'es obligé de faire un choix. On a fait un choix. Cette époque-là, on pouvait pas avoir plusieurs consoles. Tu pouvais pas avoir. T'as racheté quoi à la place? La Saturn? La Saturn ou la N64? Oh non, tu peux pas. Ah oui, si, c'est la N64. Ouais, non, Moi j'ai acheté ma Play parce que vous aviez la Play, personnellement. Tu as suivi bêtement? Ouais, mais moi je suis très influençable. Sale mouton, là. Ouais. Et donc on va revenir quand même pour dire que la PS1, sa sortie, ça a été quand même une politique tarifaire très très agressive. Déjà, elle était moins chère que toutes les autres consoles. La N64 est sortie bien après. Oui. Mais comparé à la Saturn, il y avait plus de 1000 francs d'écart. La Saturn était sortie quelques temps avant, il me semble. Oui. Ouais. Ça doit se jouer en mois, peut-être, en ou mois, en semaine, je ne sais pas. Ouais. Mais beaucoup plus cher. Oui. La Play était moins chère. Donc ça, ça a dû influencer sur notre envie de l'acheter. Bon, même si c'est nos parents qui l'achetaient. Oui. Et elle a réussi aussi deux trucs majeurs de l'époque. Le tournant de la 3D et du support CD. Chose qu'on pas réussi tout le monde. La Saturn n'a pas réussi la 3D et la 64 n'a pas réussi le CD. Non, puisqu'à la base, normalement, le lecteur CD était prévu pour Nintendo. Voilà, oui. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est amusante. Donc, il faut savoir que c'est Ken Kutaragi qui a développé la PlayStation 1. Mmh. Il travaillait déjà sur la puce sonore de la Super Nintendo chez Sony. Oui, bon, c'est... Ouais, c'est... Et c'est avec cet argent qu'ils ont financé leur PlayStation. Avec l'argent que leur apportait la puce sonore de la... Ouais, puisqu'il était de télé les droits. Ben oui. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà, enfin, c'est une console bête de puissance, facile à programmer. Ils ont eu plein de développeurs tiers à l'époque. Et on les attendait pas, et ça a été la révolution. Donc, en quelques mots, la PlayStation 1, sortie en Europe le 29 septembre 1995. C'est la quatrième console la plus vendue au monde avec 104 millions d'exemplaires. C'est honorable. Ah, c'est plutôt bien. Et on verra par la suite que Sony, ils sont pas arrêtés là, parce que c'est Sony. Oui. Après, de ce que j'ai vu, elle a été créée en 1994. Et oui. Lancée en 95. Oui, mais moi j'ai pris les dates européennes. Je sais même pas si elle est pas sortie en 94 au Japon. On était encore dans une époque où les consoles ne sortaient pas mondialement, elles sortaient ouais. Je crois que t'as raison. Par continent. Ouais. Bah ouais, un truc à la con déjà. Maintenant on a des sorties mondiales, on est habitué. Et donc, si vous avez des... On va parler en même temps parce que sinon tu vas tout dire et du coup on n'aura plus rien à dire. Je vais faire beaucoup de monologues parce que bon. j'ai noté les points forts. Je sais pas si vous y avez pensé. Et son année de production est de 2006. Bien, ça je l'ai pas noté par contre. Elle a une durée quand même. Elle a une durée de vie de 5 ans. Combien, t'as dit ? 2006, 11 ans. De la PlayStation 1 ? Ah oui. Putain, j'ai marqué. Ouais, non, c'est pas. Je l'ai pas noté ça, mais c'est pas idiot. Alors après, peut-être qu'ils comptent peut-être la PS1 aussi avec. Attention. Oui, ils doivent compter la PS1. Ah oui. Moi non, moi je m'aperçois que j'ai noté l'écart entre les consoles, entre PlayStation 1 et PlayStation 2, pas les dates de fabrication. Mais ouais, ça m'étonnerait pas, c'est vrai qu'elle a duré un moment. Ils s'arrêtent pas au moment où la PlayStation 2 sort, ils sont pas arrêtés, ils ont continué à sortir les jeux. Voilà. Oui. Bah déjà, t'as une console moins chère, voilà, quand tu commences dans le jeu. Donc j'étais sur les points forts. Le support CD. On a eu la première manette Dual Analogic Controller, avant la DualShock. La fameuse manette avec les deux sticks, qu'on a eu avec Gran Turismo. Pour gérer la voiture, c'était un truc de ouf à l'époque. Ouais. Tu pouvais ajuster l'accélération, le freinage, oh putain, le temps que j'ai passé là-dessus. Et en point fort, j'ai mis carte mémoire, mais c'est pas vraiment un point fort. En fait, c'est juste qu'ils avaient pas le choix pour faire la sauvegarde, si tu veux. Ils allaient pas faire un truc triangulaire. Quoi. Comment ça ? La forme. Ah non, mais non. Non, disons. Et puis même, tu peux pas sauvegarder sur CD. C'est compliqué. La carte mémoire, oui, c'était parce que ils pouvaient pas mettre de disque dur dans leur console. Ils auraient pu faire comme la Saturn. C'était une pile sur une cartouche dans la console. Bonne idée. Sauf quand il n'y a plus de piles. Ouais, voilà. D'ailleurs, je vous coupe là. Tu parlais de la manette. Tout le monde s'en branle. Mais le design de la manette a été confié à Teyu Goto, dont les choix de boutons s'expliquent ainsi. Je sais pas si vous savez. Mais tu regardes pas ma chaîne, mais oui, moi je sais. Puisqu'il y a même un 10 secondes clic dessus. Non, je sais pas. Tu peux me l'avoir. Pour ceux qui savent pas, le triangle vert se réfère au point de vue. Le carré rose symbolise une feuille de papier représentant les menus ou les documents. Le cercle rouge et la croix bleue représentent le oui et le non. Ok. Au Japon, ouais. Je te l'apprends, mais je l'ai appris en même temps, tu vois. Et c'est pour ça qu'en Europe, tu remarqueras que pour valider, nous, c'est la croix bleue. Mmh. Au Japon, c'est quand tu joues un jeu japonais, genre un RPG par exemple, la validation, elle est sur le cercle rouge. Parce qu'au Japon, c'est inversé, en fait. D'accord. Pour eux, le cercle, tu valides, et la croix, tu valides pas. Ah, ça peut expliquer certains jeux qui... Eh ben oui. Qui diffèrent, mais ouais, d'accord. C'est de là que ça vient. Seb, des trucs à rajouter en point de vue console ? Pas des jeux pour l'instant, console. Point de vue de console, alors c'était peut-être un petit peu, un tout petit plus, mais on avait le fameux lecteur CD qui on pouvait lire nos musiques dessus. Si, c'est un gros plus. Moi à l'époque, j'avais pas de lecteur CD. Hein. Ouais, perso, c'était. Hein. Mon premier lecteur CD, c'est ma Play. C'était accessoire, mais c'était les premières consoles qui faisaient un petit peu media center, un petit truc qui t'apportait un peu plus que de jouer. Quoi. Ah ben complètement. Ouais. T'as quasiment tout dit, la 3D. Ça a été Ça a été un tournant, un grand tournant dans l'histoire du jeu vidéo, parce que ça, on a commencé, on a eu de la 3D dégueulasse sur la PlayStation 3. Ouais, il faisait tout en 3D, ouais, des trucs. Ouais. Mais on a commencé à avoir quelque chose de plus agréable. Tunnel B1, je m'en souviens. Et aussi de magnifiques cinématiques sur pas mal de jeux. Ça, je suis d'accord. Et d'où le support CD. Grâce au support CD. On est d'accord. Est-ce qu'il y a aussi une version de la PlayStation 1, la Netia Rosé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était une console noire, et tu pouvais développer le jeu chez toi et le lancer depuis cette console. Ouais, c'était une console ouverte plein de jeux dans les pour les développeurs. On avait plein de jeux dans les CD de démo, là, on pouvait tester les jeux. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et après, on va maintenant on va faire un tour au niveau des jeux, sur nos souvenirs et les jeux qui nous ont marqués. Donc qui veut commencer? Moi, j'ai déjà ma liste. Je pense que ça va se recouper aussi parce que on a joué ensemble. Donc, Je pense que oui, après, il faut dire déjà que ça a été, je pense, une génération où on a eu les plus. On a eu énormément de grosses licences qui sont sorties. Et qui continuent aujourd'hui. Et qui sont encore vivantes aujourd'hui. Donc déjà, c'est preuve que la PlayStation, ça a été un tournant dans l'histoire du jeu vidéo quand même. Oui, complètement. Moi, pour ma part, j'ai relevé trois jeux qui m'ont marqué, qui ont été importants, je trouve, des jeux importants pour moi. Je pense que je peux t'en dire un, c'est sûr et certain. Le premier, je pense que vous le connaissez tous, c'est Metal Gear Solid. Bah oui. Voilà. Je l'ai noté. Alors, je vais pas m'étendre dessus, pourquoi ? C'est simplement le jeu que je préfère pour le moment. Et pour moi, il n'y a pas eu mieux que cette licence, au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, tout ça. Après, en numéro 2, j'ai mis Gran Turismo. Je l'ai noté aussi, au cas où personne ne le dise. Alors, oui. D'ailleurs, Gran Turismo est le jeu le plus vendu sur la PS1. Ça m'étonne pas. Avec 10,85 millions d'unités distribuées. Ça m'étonne pas non plus. 10 millions à l'époque. C'est fort. Mais putain de jeu de bagnole aussi. Il y avait combien de bagnoles là-dedans? Une centaine. Plus d'une centaine. Les voitures neuves, les voitures d'occasion. Pff, t'en avais... Enfin, à l'époque, c'était un truc de ouf. Après, t'as rajouté quoi, donc Metal Gear? Metal Gear, Gran Turismo, et en 3 j'ai mis Resident Evil. Resident Evil, je l'ai noté aussi, oui, bah oui, surtout Resident à l'époque. Resident Evil 1, 2, 3, le Nemesis. Oui, de la trilogie. Je classerais peut-être mon préféré par rapport aux deux, quand même. Le 3 ? Ouais, le 3. Oui. On a eu une super licence avec Resident Evil. Ouais. Et qui continue aujourd'hui, la preuve, c'est que le 2 est ressorti, le 2 a marché du tonnerre parce que. Les anciens voulaient le refaire et les nouveaux l'ont découvert. Et il y a eu un très très bon remake. Moi je vais enchaîner sur les miens, donc moi j'ai mis Final Fantasy VII. Je l'ai pas mis parce que je savais que c'est étonnant. C'est aussi un jeu, je pense, qui a fait vendre des consoles. Je suis désolé, c'est le RPG japonais qui arrive en Occident, traduit en plusieurs langues. Voilà, c'est un excellent jeu sur 3 CD. Putain de cinématique. Ouais, il y en avait 3. C'était le 8 où il y en avait 4. Ouais, le 8 où il y en avait 4. Mmh. Putain de cinématique, voilà, c'est une vitrine technique pour Sony. On peut voir aussi que toute la trilogie Final Fantasy, tu prends le 7 et le 9, l'écart entre les deux, c'est un truc impressionnant. Ce qu'ils ont fait au début de la console et à la fin. C'est incroyable. Ensuite, en autre jeu, j'ai mis Tombi. Ce jeu aussi, j'ai adoré. Un jeu qui vaut 150 boules maintenant. Franchement, t'es scotché. C'est pourtant qui a pas si bien marché. Il a flopé, mais il est excellent. C'est un plateforme RPG. Ouais. J'ai grave kiffé. Et Suikoden 2, qui est encore un RPG. Voilà, pareil, plus de 100 persos que tu pouvais intégrer dans ton équipe. Un peu de RTS facile. Voilà, j'ai adoré tout ça. Et en souvenir, j'ai noté un certain Cool Border 3. Pourquoi j'ai noté Cool Border 3, moi? Ah oui, parce qu'il y avait des amis à l'époque. Je les invite à mon anniversaire, ils devaient m'offrir ce jeu. Alors c'était cool et tout, on rigole et tout. Et le soir, ils se barrent. Et quand je suis arrivé pour jouer à mon jeu, il n'y avait pas de jeu dans la boîte. Ah merde! C'est con! Bande d'enculés, franchement, vous êtes vraiment des grosses putes. donc ouais, voilà. J'ai un vague souvenir, effectivement. Ouais, ça m'a bien marqué. T'avais la boîte et le livret. Ouais, c'est bien, vous pouvez regarder. Ouais, ouais. Et toi, Guise, du coup, les jeux qui t'ont marqué? Bah, moi, le premier jeu sur la PS1, c'est Crash Bandicoot. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Comme maintenant, ça va pas. Ça te plaît plus? Non, maintenant, ça me plaît plus. Ensuite, il y a Tekken 2. Moi, j'ai découvert. T'as mis le 2, moi j'avais mis le 3 par exemple. FF7. Ouais, bon, ça, on en a parlé. Bon, après, il y en a plein, il y a Blue Diroir, Battle Arena, Toshiden. Ouais, que des jeux de baston. C'est ce que je disais, oui. C'est là où il a découvert. On est une génération avec des jeux. Ouais, enfin, Battle Arena, il était à chier en tant que jeu de baston. Il était joli. C'est... Il était à chier. Même un Tekken 3, tu rejoues aujourd'hui, c'est compliqué. C'est dégueulasse. Ah, ça va. Je trouve que c'est lent. C'est lent. Ouais, c'est lent. Bah, oui. Et d'ailleurs, le dernier jeu produit sur la console est FIFA de Football 2005. Ouais. 2005. Ouais, non, mais c'est toujours les FIFA qui restent à la fin. Mais 2005, FIFA, elle est sortie en 95. FIFA 2005, 10 ans après, ils sortent un jeu. Donc Guiz avait fini avec les jeux de Play 1 et maintenant on va passer directement à la Play 2. Donc on voit que le sujet s'éternise, donc on va essayer d'accélérer un peu. Donc c'est pour ça que je parle super vite maintenant. La Play 2 sortie en Europe le 24 novembre 2000. C'est la première console la plus vendue au monde avec plus de 150 millions d'exemplaires. Quelque chose à rajouter, messieurs ? Oui, son arrêt de production est de janvier 2013. Ah oui, c'est vrai que toi tu as les arrêts de production. J'adore ça. Il y a une ours qui commence. Il fait de la date de début, toi tu as la date de fin. Ouais. Et sa production a duré pendant 12 ans, c'est la console qui a pratiquement duré le plus longtemps pendant la fabrication. Du coup, point fort, support DVD. On achetait la console, on avait un lecteur DVD. Et là, on est d'accord que c'est tous notre premier lecteur DVD. Oui. On n'avait pas d'autre avant. Ah, non, c'était bon le lecteur DVD à la maison. Ouais. Moi aussi, le principal. Gros coup pour Sony, console number one, il a écrasé tout le monde sur cette génération. C'était indécent. Je suis désolé, c'était horrible quand même. Pour les autres, en tout cas. Ah oui, oui. Aucune chance. Quelque chose à rajouter sur les points forts, du coup ? Non. Mais c'est là où l'USB est venu avec. L'USB, ah oui, les tout premiers. Premier USB. On pouvait rien faire avec l'USB. On pouvait pas mettre de disque. Tu pouvais brancher ta manette, non ? Pas sûr, c'était un filaire encore. Ouais, c'était encore filaire. T'avais la caméra. Elles étaient pas en USB ? T'avais la caméra. Non, c'était... Ah oui, Lighttoy. Oui, il y a la caméra Lighttoy qui est sortie. Voilà. C'est vrai. Alors, ça doit être pour ça, alors. Est-ce que vous... Petite anecdote, vous vous rappelez du lancement de la Play 2 ? Ah putain, sur la Play 1, il y avait les spots de pub, le comité anti-PlayStation. Et sur Play 2, oui, c'était les pubs chelous, là, avec le canard qui parle, ou un truc comme ça. Là. Sur la Play 2, ils avaient fait une espèce de gros lancement à Paris. Ah oui, les files d'attente, ouais. Ce truc de ouf, apparemment. Ouais. Les gens, ils se jetaient sur les consoles, c'était un truc de malade. Bah, Sony, là, ils ont fait fort. Une très bonne console au début, et la Play 2 qui écrase tout. Et le support qui va avec, enfin, bon, ils voulaient en faire un Media Center. T'avais même la télécommande. Ouais. Qui était reconnu directement sur la console. De fou quand même. Après, vite fait, en moi en souvenir, j'ai juste des concours de drift que je faisais avec quand on était à la maison. C'était sympa. Et les jeux qui me remarquaient, donc je commençais. Need for Speed Underground 2, ouais. D'où les concours de drift, le tuning et tout. C'était l'époque tuning, les DX, mon amour. Burnout 3 Takedown, encore en jeu de bagnole, où tu faisais des gros crashs dans la circulation, tu vois. C'était la classe. Soul Calibur 3, qui m'avait bluffé. Pas très jeu de baston, mais le mode histoire, la personnalisation, j'ai kiffé et j'ai pas retrouvé ça ailleurs. Et si, une licence qui a commencé là-dessus, Guitar Hero. Je l'ai torché sur Play 2 parce que je l'avais pas sur Wii ou quoi. Là, j'ai commencé sur Play 3. Sur Play 3, ouais. Bah, mais enfin, l'idée du siècle. Alors là, pas besoin de graphisme de fou ou quoi. Bon, voilà mes jeux préférés. Après, je vous laisse dire les vôtres. Moi, mes trois jeux qui m'ont marqué sur la Play 2, il y a eu Fahrenheit de Quantic Dream. C'est vrai. Ça m'a pas percuté, mais ouais. Ah, bon, ça... Mais je l'ai jamais testé. Bah, je l'ai, mais je l'ai jamais testé. Une putain d'histoire. On a, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure pour la Play 1, en tant que grand fan de Dragon Ball, j'ai joué des Dragon Ball sur Play 1, ouais. Dégueulasse. Battle 2. On a eu les Budokai qui sont arrivés sur la Play 2, magnifique. Les Budokai, ils étaient super. Et les Tekkachi derrière, ouais. Bah, ouais. Et. Un que j'ai noté qui m'a marqué aussi, je crois que ça va te parler aussi, c'est les NBA Street. Oui, ah oui, volume 1 et 2. Ouais, ouais, les NBA ouais. Street, ils étaient juste. Ils étaient excellents, on s'est éclatés. Ça me manque, tu vois, ça me manque, j'aimerais bien. Mais ils ont aussi Playground ou un truc comme ça, là, en ce moment, c'est pas le même esprit, ouais. C'est pas pareil, c'était fun, c'était bien, c'était. Ouais. Yes. Et toi, Guiz, alors du coup, les jeux que. Pour moi, ce sera les Tony Hawk Pro Skater. Ah bien, sur Play 1 aussi, on aurait pu les foutre, ceux-là. Ouais, ça commence sur Play 1, ouais. Mais c'est vrai que sur les 2, ils étaient souhaités. Je me souviens, toi, t'as mis Burnout 3. Moi, ouais. C'était surtout Burnout 2. Impact. Moi, c'est Takedown. Ouais. Après, il y a les Hitman. Oh putain, ça m'a jamais parlé. Et Primal. Celui-là, je l'ai bien torché. Celui-là était excellent. Je l'ai encore aussi, celui-là. D'ailleurs. Ouais. Après, il y a une rétrocompatibilité. D'ailleurs, c'est sur la PS2 qu'ils ont commencé les connexions Internet. Ouais. Ouais, enfin, on l'utilisait pas du tout. Non. Je suis désolé. Ça n'est pas servi et puis c'était. Mais il faut le dire. Et la rétrocompatibilité par rapport à la PS1. Ah, oui, c'est vrai. Qui est une seule console Sony à faire de la rétrocompatibilité. Tu pouvais acheter une nouvelle console et jouer à tes anciens jeux. Putain, l'idée du siècle. Ils sont contents de pas l'avoir utilisé. Sachant que le coût de la console qui va sur Internet, c'est la Dreamcast qui l'a lancée officiellement. Oui, oui. Bah, qui, à mon avis, plus était utilisé sur Dreamcast que sur Play 2. Ouais. Bon, c'est à l'époque qui voulait ça. Après, c'était des vieilles connexions toutes pourries. Et je finirai sur le jeu le plus vendu. Qui était GTA San Andreas. J'aurais pu te le dire, oui, GTA. Ah, et je pense que j'étais en train de retrouver à toutes les générations. Mais sur la PS1, non, mais sur la PS3 aussi, ouais, je crois. Bah oui, c'est obligé. Oh, oui. Ensuite, donc c'est parti pour la PS3. Sorti en Europe le 17 novembre 2006, 7e console le plus vendu au monde avec 86 millions et arrêt de la production en 2017. Voilà, 2017. C'est pas si vieux. Entre-temps, j'ai fait un petit aparté entre la PlayStation 2 et la PlayStation 3, il y a eu la PSP qui est sortie. Petit format contre, portable. Je te coupe deux secondes, mais tu as dit qu'elle était sortie quand en Europe ? Sorti en Europe le 17 novembre 2006. On n'a pas la même date. Ah, vas-y. Moi, j'ai le 23 mars 2017. 2007. 2017. 2007. Ouais. C'est pas plutôt la sortie... Non, tu t'es planté. Bref. Ah non, pardon, excuse-moi. Le 23 mars 2007, c'est seulement en version 60Go. Ah ouais, voilà. Il y avait ça aussi. Sachant qu'il y a eu la première version qui était all rétro-compatible. On peut jouer aux jeux de PS1, de PS2, de PS3. Ouais. Et le gros tollé, c'est qu'elle coûtait 600 balles à sortie. Et donc, eh ben, ça s'est pas vendu parce que c'était beaucoup trop cher. Du coup, ils ont réduit la capacité du disque dur. Ouais. Pour... C'est pareil, et pas, ils ont viré la puce de l'Emotion Engine. Je savais pas, mais tu savais qu'il y avait une version 20Go. Ça me parle pas. Version 20Go qui s'était peu vendue au Japon et en Amérique du Nord. Ah oui, parce qu'elle n'est pas sortie en Europe. Voilà. Ouais, tant mieux. Bon, 600 balles pour pouvoir jouer. Oui. Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas de disque dur dans les consoles. Hein. Ouais, 20Go pour la PS3, ça faisait faible. Donc j'en étais entre la PS2 et la PS3, il y a eu la PSP. Alors est-ce que là, tu as la date de sortie en Europe ? Je peux te dire que c'est le 1er septembre 2005. Tu n'as pas la date de, enfin, de la PSP ? La PS3 et la PSP. Parce que en fait, entre les deux, il y a eu... Le petit truc. Il y a eu la PS2, entre la PS2 et la PS3, il y a eu la sortie de la PSP. Ah non, tu as ça PSP, non, j'ai pas ça. C'est la 10e console la plus vendue avec 80 millions d'exemplaires. Voilà, petit aparté. J'ai pas noté de jeu spécifique parce qu'on va s'intéresser aux consoles de salon. Point fort de la PS3, le support Blu-ray. Encore une fois, Sony a misé sur le bon support. Ça a été mon seul lecteur Blu-ray de ma vie. Ça a détruit le. Aussi. Sauf la PS4. Ça a, ça a détruit le lecteur Blu-ray. Tout simplement. Le HD-DVD de Microsoft. Non, le HD-DVD, t'as rappelé pas du HD-DVD défoncé. Il y avait les films en deux trucs. Oui. Ça a tout foutu. La nouvelle manette 6-axis, première manette sans fil. Et aussi un petit truc intéressant quand même sur cette console. Qui... Oui, vas-y, non, je t'en prie. Elle a été très difficile à programmer au début. Donc après, ils ont amélioré. Mais bon, ça a toujours été un casse-tête. Par contre, je lui reconnais un truc, c'est le jeu MAG. 128 joueurs en simultané pour l'époque. C'était impressionnant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Battle Royale. Ah non, t'avais pas tout ça. Et apparemment, c'était un truc de ouf. Ouais. Au niveau caractéristiques console... Point rajouté. Le online qui a commencé un peu plus marcher. Il était dégueulasse. L'arrivée du PSN, d'ailleurs. Qui était gratuit. PSN. Qui était gratuit. C'est pour ça qu'il était dégueulasse. L'arrivée du PS Plus. Le PS Plus a démarré sur la PS3. Il fallait pas l'acheter parce que c'était vraiment dégueulasse. On a très peu joué en ligne en PS3. Je suis désolé. Là. Du coup, ça a vraiment commencé qui dit après. PSN dit aussi Play Store. Oui. Et on est passé à l'HDMI. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est oui, la fameuse époque des nouveaux écrans LCD et tout le bordel. Moi, le seul truc que je retenais, c'est Gran Turismo avec les mises à jour qui plantaient tout le temps. Et ça m'agaçait. Parce qu'une mise à jour. Une mise à jour, si elle plante à 2 gigas, et ben tu recommences à 0. Ça va pas reprendre là où ça s'est planté. Alors, tu vas me démarrer depuis le début. Maintenant, donc, t'as 90 gigas à reprendre. Mais maintenant, ça reprend pas. Ouais, ça reprend pas. Ça s'arrête à 40, tu reprends à 40. Donc, fin pour la PS3. Entre la PS3 et la PS4, avant d'aller là, il y a eu la PS Vita. On va aller très vite là-dessus. Vu que ça a été un tollé, sorti en Europe le 22 février 2012. Pas de date de fin de production, non ? Bah si, je suis con. Si, il y a là, maintenant, ce mois-ci. Tu parles quoi, la PS Vita ? La PS Vita. Mmh. Elle s'arrête ce mois-ci en 2019. Donc 7 ans, c'est pas mal. Mais par contre, elle a la 22e console la plus vendue au monde avec seulement 17 millions d'exemplaires. Pas marché. Pas le succès escompté de Sony. Manque de jeux. Moi, j'ai manque pas été emballé par le manque de jeux. Mais t'as déjà revendu, donc... Ouais, j'ai revendu direct. Et pas poussé par Sony, de toute façon. Donc, Je l'ai pour les jeux indés. Oui, bah moi, j'ai la Switch. Vu que c'est la remplaçante. On enchaîne direct sur la PS4, sortie en Europe le 29 novembre 2013, qui est la 6e console la plus vendue au monde avec plus de 91 millions. C'est en cours. Nouveauté, PS Plus payant. Alors c'est pas un point fort, j'ai juste dit nouveauté. C'est pas un point fort. Mais par contre, le online est vachement plus présent. Et là, c'est agréable de jouer avec le système de partie, de pouvoir après, se chatter. Le système payant, des fois, c'est vrai que sur l'année, t'as des bons jeux. Il y a l'offre en plus du PS Plus. Sauf des jeux. Mais perso, ça me dérange pas trop de payer 60 balles pour avoir des jeux qui complètent ta ludothèque. Ah oui. Bon, ça fait toujours chier de payer, mais bon. Et puis le service rendu est sympa. Non, ça va. Tu peux pas se plaindre. Et on a beaucoup plus. Enfin voilà, là on joue vraiment en ligne. Oh, j'ai pas fait le jeu marquant de la PS3. Non, c'est pas fait. Ça que j'ai levé la main, mais t'as pas vu. Ah non, j'ai pas vu. On va les faire vite fait. Alors, qui commence ? Allez, j'y vais. Jeu marquant de la PS3, tu l'as dit, Mag. Je l'avais noté. Ouais, bah ouais, forcément. J'ai kiffé. Prouesse technique. J'ai juste regretté qu'il ferme les serveurs un peu trop tôt. J'ai noté Star Wars, le pouvoir de la Force. Ah, je l'ai pas noté, j'y ai pas joué, mais ouais, il était. Parce que, alors, il était bien. Il était pas sensationnel, mais fan de Star Wars, moi j'ai adoré. Je l'ai refait plusieurs fois, tellement j'ai kiffé. Et un jeu qui était génial, c'était les Batman Arkham. Ah oui, les Batman, oui, mais toi t'es fan, moi j'y ai pas joué non plus. Ouais, ouais. C'était juste magique. Je reconnais. Ok, très bien pour toi, c'est bon ? Ah, c'est bon. Allez, vas-y, Guise. Pour moi, ce serait les Uncharted. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Je l'ai pas marqué, parce que je savais que t'allais dire. Franchement, PS3, il n'y a pas beaucoup de jeux qui te marquent autant que les trucs avant. Ah bah moi non. Mais vas-y, je t'en prie. Je trouve qu'il y en a énormément. Ah bah moi non. Heavenly Sword, qui était mon premier jeu. Ah, c'est le premier jeu, oui. Ninja Theory, Prouesse Technique aussi. Les Assassin's Creed. C'est vrai aussi, oui. Et The Last of Us, que j'attends sur PS4 maintenant. Ah bah je l'ai marqué, au moins tu m'éviteras de le dire. On attend là partout sur PS4. Enfin, ouais. Pour ma part. Désolé, j'enchaîne. Ouais, Red Dead Redemption, premier du nom. Univers désertique, j'ai kiffé. Prototype, cette impression de puissance dans les rues de New York. Oh, là, là, il était dès le délire. Fallout 3, FPS en monde ouvert, j'ai adoré. Et GTA 5, parce qu'il a quand même commencé sur Play 3 avant de le racheter sur Play 4. Puisque j'ai joué sur Play 3. C'est comme ça qu'il a racheté sur Play 4. Qui était le plus vendu. GTA 5 ? Ouais. J'aurais dit GTA 4. 21 millions. Tu vois, sur le 5 ? Ouais. Ouais, ben putain, c'est pas mal. Génial le 4. J'ai pas aimé le 4. Chacun, mais c'est le mode online du GTA 5, je suis désolé. Donc on va pour reprendre pour la PS4, puisque c'est un des jeux, le jeu le plus vendu de la PS4. Du coup, on enchaîne sur la PS4, on a dit que c'était payant, machin. Vos jeux sur PS4, qui vous ont marqué ? Bah, on est en plein dedans, alors je peux pas non plus te dire. Il y en a, GTA 5, déjà c'est sûr. Après, moi, c'est là où j'ai découvert GTA 5. Oui, c'est vrai. Personnellement. Que t'as dit à Seb, t'aurais pu me dire qu'il était bien. C'est vrai. Moi, je l'ai noté GTA 5, parce que j'y rejoue encore. Ben oui, il y a plein d'activités, c'est un bac à Monster Hunter, les gars. Monster Hunter. Ben, je l'ai noté aussi, Monster Hunter World. Allez, bam. Ouais, d'accord. On a tous mis Rocket League. Ben, j'ai mis Rocket League aussi. Rocket League, on a joué pendant 2 ans. Je crois que. J'ai rajouté un petit Overwatch histoire de différencier, mais ouais, les 3 jeux là. On dire est... qu'entre ouais, le prix d'accord. du jeu et le prix du PSN, il a amorti le jeu. Largement. Ah oui. 20 balles, même moins, je crois. Je sais plus. C'est le jeu auquel j'ai pu jouer, Rocket League. Moi. Ah non, moi c'est Monster Hunter, mais ouais, si. Non, c'est Rocket League, je crois aussi. Donc mon PlayStation 4, on est d'accord pour dire que sur cette génération, elle défonce tout aussi. Elle nous fait pas une Play 2, mais bon, oui. Xbox est derrière. Après, j'ai noté PlayStation classique, mais vraiment en aparté pour dire que c'était un flop parce qu'ils ont fait une console de merde. Encore passé de prix, je crois. Ah bah, elle est à 30€. Ouais. Là, Leclerc, elle est à 100, mais ils se plantent tu complètement. Tu t'es donné la peine de faire ça, d'accord. De parler de ça. Oui, parce que c'est de la merde. Bon, je dis juste, voilà, l'achetez pas, ça vaut pas le coup. Prenez des émulateurs. Et je voulais terminer sur la PlayStation 5, vos attentes ou... Alors, déjà, en sortie, je vous annonce, pas avant 2020, c'est clair et net. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'elle va être annoncée cette année. Donc ça, c'est sûr. Là, on va voir, comme je disais, c'est dans ma tête. Sony n'est pas le 3 cette année, donc je pense qu'ils vont faire un petit truc aparté pour l'annoncer. Après, encore une fois, ils vont miser sur la puissance. Clairement, ils sont obligés de faire un... Ouais, bah, voilà. Ils sont obligés. Et les jeux que je vois, comme je disais, les jeux que je vois arriver en premier, c'est genre des licences qui leur appartiennent propres, un Spider-Man... Marvel Spider-Man 2, tu vois quelque chose comme ça, God of War. Bah, peut-être. Ouais, moi, je verrais peut-être des jeux cross-génération, genre Last of Us Part 2 qui sortent. Tu vois, comme ils ont fait. Là, ils vont le sortir sur PS4 et ils vont faire remaster, comme ils ont fait pour Last of Us 1 sur PlayStation. Non, il leur faut des licences, il leur faut des nouveaux jeux pour la sortie. On verra. Par contre, le truc rétro-compatibilité, ça, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rejouer à nos jeux de PS4 et PS3, minimum, quoi. Alors. Moi, je pense PS1, PS2, c'est faisable en émulateur. PS3, c'est pas possible, il faudrait le faire en physique et c'est un codage compliqué. PS4, c'est possible. Je pense qu'elle pourrait faire PS1, 2, 4 et 5. Et j'aimerais qu'ils ne dématérialisent pas les jeux. Merci je pense Sony. Que ce serait aussi une console streaming parce qu'on sait que Xbox vont faire 2 consoles différentes. Le PlayStation là où est là et c'est pas pour rien. Tu vois, Xbox, ils vont faire une console bête de puissance et une petite console, mais tu pourras jouer tout en streaming. On va voir vers quoi ils vont s'orienter. Après, le PlayStation VR va être aussi un point fort. Ils vont sûrement ressortir un autre casque. Et... Alors, ils vont sortir un autre casque. Après, que ce soit un point fort, je dédoute là-dessus. C'est mon avis perso. Ça a pas mal marché, le PSVR, quand même. Toi. Oui, j'ai pas les chiffres. Si quelqu'un a les chiffres, non ? Non, vous n'êtes pas renseigné ? Non, non. Mais je kiffe. Ouais, je sais que je kiffe. Il en faut. Ok, donc pour le dossier PlayStation, c'est fini. Et on enchaîne sur la suite. On a fait un petit sujet Battle Royale, donc parce qu'on est à fond dans Apex en ce moment. Vous avez tous noté des Battle Royale ou vous êtes focalisé sur Apex ? Apex, Fortnite. Ouais ? Ok. Fortnite, oui. Eh bien, on commence par Apex. Allez-y, je vous en prie, Seb. Allez-y. Je t'en prie, Seb. Apex, je l'ai trouvé, déjà, premières impressions, c'est assez original. Ça sort un petit peu des Battle Royale, Fortnite, et des copies de PUBG, Fortnite et compagnie. Alors on a une vue FPS, donc c'est autre chose. Call of Duty Blackout. Mais encore, bah. ça a été vite fait, je trouve. Oui, ouais, non, mais voilà. Le fait d'être obligé de faire de la cop, c'est bien et pas bien. Parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de te sortir un petit peu de ça, de faire un petit peu de mode solo, et tu peux pas. T'es toujours obligé d'être en coopération. Après, ouais, d'après les rumeurs, il travaillerait dessus. C'est vrai qu'on en parlait déjà le mois dernier. Ouais. À noter, j'ai pas les chiffres, je suis désolé, je suis pas comme vous, mais à noter que ça a été quand même un record au niveau des joueurs. Ouais, la première fois, 50 millions de mois, c'est ouais. Bien. Voilà. Comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Et on a quitté 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et en fait, au début, ce que je trouvais accessoire, mais que j'aime bien, en fait, c'est tout ce qui est skin. Skin d'armes, skin de. Bon, alors, perso, les skins, tout ça. Je trouve pas spécialement joli. Il y en a des classes, mais alors tout n'est pas classe. C'est pas Overwatch. Non, mais je veux dire, c'est vachement détaillé. J'étais surpris par tous les détails qu'ils ont apportés. C'est joli. Ah oui, moi, je trouve ça pas mal. Non, ouais, mais tu vois, encore une fois, si tu payes pas, t'as pas grand chose. Faut payer pour en avoir certains. Et je trouve pas ça normal. Surtout en plus. T'as un jeu gratuit. Je veux dire, oui, ça change rien à ton perso, le skin. Non, mais c'est sûr. Donc c'est toi qui choisis. Mais tu vois, quand tu passes un niveau au début, ça va vite, les coffres et tout. Ah, bah, après, c'est hyper long. C'est là pas du gain. Après, il faut aussi noter quand même qu'on a un jeu fini. On a un Battle Royale fini, optimisé, qui tourne bien. C'est pas du PUBG qui rame, c'est pas du Fortnite qui change tout le temps. En ce moment, avec la préparation du Battle Pass saison, là, des fois tu joues, c'est injouable. Ouais, c'est vrai. Ça reste Electronic Arts, ça a des serveurs pas terribles. Moi, je trouve qu'il y a certaines parties, c'est pas pourquoi ça lag. Comparé à certains trucs, quand même, moi je trouvais ça sympa. L'amélioration des armes automatiques aussi, qui n'est pas besoin d'aller dans tes menus pour modifier l'arme. C'est vachement rapide, intuitif, tu le vois, la couleur, hop, ça, cet élément, s'il est meilleur, tu le changes de suite, bam, bam. Ils ont fait un truc super. Enfin, moi, je kiffe. En fait, c'est facile à jouer, ça, c'est sûr. Oui. Très facile d'accès. Je dis pas que c'est facile à prendre en main. Non. Mais c'est facile à jouer. C'est facile à comprendre. Voilà. Le système de ciblage. Quelle idée de génie. Oui. Non. Quand on veut dire, ah, les ennemis sont là-bas, faut aller là, putain. Je suis désolé, là, ils ont fait. Parce qu'ils misent beaucoup sur la COP. Enfin, je trouve que c'est un point fort du jeu. Et sachant qu'après, on va avoir. Et puis aussi, il y a le système de héros. Chaque personnage a ses propres capacités. Ouais, c'est pas mal. Chacun. Parce que suivant ce que tu choisis, tu peux faire plus ou moins des combos. Et c'est pour ça qu'un solo ou un duo aura beaucoup moins d'impact sur le jeu. Oui. Ah ben, un solo, à ce moment-là, faut pas prendre Lifeline, par exemple. Mais voilà. Soigner. Tu prends. Tu vas soigner tout seul. Voilà. Bangalore ou. Non, c'est misé. C'est vraiment misé sur la coopération. Sur la coop. Sur Apex, vous avez d'autres choses à rajouter ? On continue à y jouer. ça c'est sûr. On continue à y jouer. Après, et on verra. Non, pour l'instant, ça va. Ça va. Mais il y en a beaucoup qui décrochent vite par du fait que c'est trop dur, quoi. Si tu, et c'est un battle royale. C'est un battle royale. Si tu joues. Et pas, moi, tu vois, tout à l'heure, j'étais sur le point de. Ouais, ça me motive moins qu'avant. Mais après, c'est de ressenti. Tu prends. Quand je joue à plusieurs, c'est rigolo, mais après. C'est voilà. Comme tous les jeux. Tu prends un Rocket League au début, t'es nul. Plus tu joues, plus tu t'améliores. Après, t'as tes limites. Mais attends, il y en a qui tryhardent, qui sont tout le temps dessus. Ouais, t'as aucune chance. Tu regardes les mecs jouer, non. C'est pas vrai, ça. On se bat beaucoup contre des gars qui ont juste 2500 frags à l'heure actif. Voilà, et nous, on en a 20. Parce qu'on est bons, tout perso confondu. Mais bon, les gars, c'est quoi? C'est des jeunes de 17 ans, peut-être 15 ans qui font rien de leur. Non, on va pas dire ça, on va pas stéréotyper. Ouais, ils sont dessus, tryhard, ils sont dessus. Tout le ils n'ont pas les mêmes obligations. Après, on a aussi la trentaine, on n'a plus les mêmes réflexes qu'eux, on n'a plus les mêmes. Puis on joue à la manette, bref. Dans la même idée, on a Fortnite qui a été longtemps le leader, donc qui avait son point fort, la construction. Et je suis désolé, moi, c'est un truc qui m'a gonflé très très vite, la construction. Parce que quand tu vois les mecs construire maintenant, c'est pas possible. Alors, attention, quand tu dis Fortnite a été le leader, il a été le leader en France. Dans le monde, ça reste PUBG le numéro 1. C'est vrai ? Oui. Ah, j'ai vu les statistiques il y a pas longtemps. C'est PUBG qui reste le premier suivi sur les streams, le premier joué. Ah ouais, ouais. Mais non, mais streamer Twitch, t'es sûr que Fortnite n'est pas premier ? Qu'en France ? C'est qu'en France. C'est... Ah bah putain, ça me scotche un peu, ça. Ouais. J'ai jamais testé PUBG. C'est pas très, je l'ai. PUBG, c'est optimisé avec les fesses. Non, PUBG, au début j'y ai cru. Au début, les premières parties, j'y ai cru. J'ai dit putain, le machin et tout, c'est bizarre, c'est raide. Non, en fait, c'est plus tactique. Trop tactique. Ouais, mais tu vois, justement, l'amélioration des armes en T1, T2, T3, c'est vachement plus complexe que Apex. Ah oui, complètement. Faut regarder, ça va sur mon arme. Faut tout étudier, faut tout regarder. Ah ouais, ça se met pas direct. Non, ça se met pas direct. Non, ça te le faire. D'accord. Ouais, c'est très réaliste. Les véhicules sont pas mal parce que la map est immense. Les véhicules sont mieux. C'est rigolo. Je pense qu'on y viendra peut-être sur Apex. Sur Apex ? Aux véhicules ? Ouais. Après, ils vont améliorer, donc il y aura une map plus grande. Si les maps sont plus grandes, oui, sinon là, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Ouais, tu crois ? On va vite. Là, à pied déjà, on va très vite à pied. Tu sais, il y a beaucoup de phases de désert et tout ça, je verrais bien une motocross dedans. Ouais, forcément. Ouais, je sais pas. Moi, je verrais des vaisseaux spatiaux, tant qu'à faire. Bah, il y en a déjà. Ouais, mais bon, tu peux pas les piloter. Sur respawn et tout. Et le système de respawn est pas mal aussi. Sur Apex, on en a pas parlé, ouais. Bah, la réanimation déjà, réanimer ton personnage. Ouais. Et pouvoir, quand t'es KO, aller à un point de réanimation pour réapparaître carrément. Ça, c'est un. Bah, voilà le côté team. D'ailleurs, ils l'ont rajouté dans Fortnite. Ils l'ont rajouté. Tu m'étonnes. Ah, faut pas qu'ils se laissent marcher dessus. Non. Ils ont envie de se faire dézinguer. Donc, on a fait tac tac tac. Si vous avez des choses à dire, continuez. Moi, après, je parlerai juste de Rune Royale. Rune Royale. Oui, Rune Royale, qu'on a joué un peu. Moi, j'ai joué beaucoup. Toi, tu as torché. Non, j'ai pas accroché vraiment, franchement. Bah, t'as pas la construction et les déplacements sont excellents. Et le fait aussi d'avoir que deux armes. Par exemple, ça, on en a pas parlé aussi. Fortnite, quatre armes, c'est chiant. Apex, t'as deux armes. Rainbow, t'as deux armes. Bam, bam, tu changes direct. Je trouve ça plus sympa que d'avoir une quantité d'armes que tu n'utilises pas. C'est toi qui disais ça la dernière fois. T'as quatre armes, t'en utilises une. Ou deux. Ouais. Mais bon, la date était bien, mais le jeu est en bêta continuel. Et c'est assez relou. Donc, des bugs dans tous les sens. Après, Fortnite, c'est trop dispersé. Ils ont lancé plein de modes, plein de façons de jouer. C'est un bac à sable, j'ai vu. Il y a des overcraft. Ouais. Il y a des planches volantes. Tu peux faire des parcours, des pièges. Il y a eu des avions, il y a des quads. C'est un bac à sable. C'est marrant. Il faut un mode créatif où tu peux créer ta propre ville. Non, ta propre ville. Ouais, tu crées ton monde, carrément. Tes copains peuvent visiter ton monde. Tu peux faire des escape games. Des escape games. Ils ont lancé des escape games dans Fortnite. Tu dois t'échapper d'une prison. C'est du Minecraft. C'est un beau bordel. Ah ouais. Il y a des nouveaux modes. Ça part en... Tu meurs, dès que tu meurs, tu ressuscites et tu es reparti. D'accord. Ah bah ils mettent à jour leur jeu au moins. Ça on peut pas leur reprocher. Il y a rien à dire. Ils innovent. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des mises à jour. Oui, c'est pour ça que ça m'a gonflé. Et bien sûr, comme tout bon Battle Royale, on a notre fameux Battle Pass. Ah, bah c'est lui qui l'a instauré. Donc, Oui, c'est Fortnite qui a sorti ça. Tu payes, t'as des skins, tu payes pas, tu les as pas. Le retrouve sur tout. Bah oui, Rocket League. Rocket League a sorti un... C'est un Battle Royale, non, je vais en parler. Même le jeu sur lequel tu m'as mis, sur Android, Frag, il y a un Battle Royale. Il y a un pass de combat. C'est énorme. Ben oui, mais maintenant c'est une formule qui fonctionne, ils ont compris. Tu payes, t'as rien de plus réellement techniquement, mais si t'as des skins, des machins. Quand tu vois des skins qui se vendent, faut arrêter les gars. Après, ça reste des jeux gratuits, c'est des free to play. Hein, faut bien qu'ils se trouvent une source de revenus. Ouais. Après, libre à nous d'acheter ou pas. Tout à fait. Ça ne change rien à ton expérience de jeu. Faible. Moi je dirais, j'ai acheté des voitures sur Rocket League. Ça ne change rien. Mais j'en ai acheté. C'est bon. Voilà. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Après, j'ai acheté le pass de combat de Fortnite, je l'ai acheté une fois. Voilà. Je dirais pas. On teste. Ouais, ouais. Après, ça apporte rien de plus, on est d'accord. Non, réellement, non. Non, non. Et vous aviez le meilleur Battle Royale qui est sorti. Tetris 99, ça c'est un Battle Royale, il n'y a pas de flingue et tout, mais putain, qu'est-ce que ça te fout le stress. Tu fais des parties de 5 minutes, tranquille, tu ressors épuisé. J'ai testé une fois chez toi, c'est tout. Ouais, non, mais il faut, c'est sur la longueur, c'est une petite drogue, tu vois. Des fois, je rentre le soir, je me fais 5-6 parties, j'aime bien. Et ce putain de top 2, oh, reculé, ça me fout les boules. Il était pas attendu celui-là, mais il marche bien. Battle Royale, bien à part quand même. Mais ouais, mais en plus, il sort de nulle part, ils ont géré là. Bravo. Au moins, ça nécessite l'online, mais bon, est-ce que c'est ça qui va relancer l'online de la Switch? J'y crois pas du tout. Non, faudrait qu'ils sortent les jeux de SNES. C'est mon avis perso. On verra ce qui se passera. Sur les Battle Royale, vous avez d'autres choses à rajouter? Je pense qu'on a fait relativement le tour. Au moins, on a fait le tour. Ouais. Yes, donc les Battle Royale, c'est bon, ça a été un sujet très rapide, beaucoup plus rapide que la PlayStation, et maintenant on va passer au test de Guise. Et c'est le quiz. Allez, c'est parti. Je vous ai compté un petit test. N'hésite pas à te rapprocher. Si oui ou non. Vous êtes bons, les gars. Ah. Vous auriez pas, c'est pas un test, c'est son quiz. Oui, il a dit le quiz, non? J'ai dit test. T'as dit test. Non, mais c'est le quiz. Je sais pas. C'est le quiz. C'est moi le test. C'est un quiz. T'auras le jingle du quiz. Vous auriez pas un stylo par hasard? Ah bah non. Bon, bah attendez. Voilà, c'est nickel. On va essayer de meubler un peu parce que moi j'ai pas de stylo parce que ce coup-ci on a décidé de passer à la tablette. Oui, on est moderne. C'est pratique. Il y a encore des hommes de Cro-Magnon avec des feuilles et des stylos. Mais bon, c'est bon. En plus, tu remarqueras que c'est lui le présentateur de quiz, mais il prépare même pas son stylo. Il a ses petites filles qui le berce, tu vois. Bon, vous êtes prêts? Un 10 chez vous. Il y a un concept ou pas? Il n'y a pas de concept. Là, tout est mélangé. Et on répond le plus vite possible ou. Ou c'est chacun son tour? C'est chacun son tour. Ok. D'accord. On va commencer par Seb. Bien sûr. Parce que je sais que nous, on se connaîtra la réponse. Pouf, ça ne veut rien dire. Donc, du coup, pour moi, c'est quand même une sorte de finale. Parce que c'est le troisième quiz. J'ai été évincé des deux premiers. Vous êtes les gagnants des deux premiers. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, pour moi, c'est une sorte de finale. Alors c'est parti pour Seb. Vas-y. Combien de faces maximum possède un dé de jeu de rôle? Alors j'ai des réponses, t'en veux? Vas-y, vas-y. Oh, y a pas besoin. Mais pour. Mais ouais, a... vas-y, vas-y, c'est ton quiz. 16, 18 ou 20? 20. Bonne réponse. Merci. Des 20, c'est bon, aussi j'aurais pu répondre. Facile. Facile. Nours, combien faut-il de points. Non, excuse-moi. Combien de points faut-il dépasser à Tetris pour faire décoller la plus petite fusée? Putain, mais lui, ça. Alors, toi, il trouve un truc que tout le monde connaît, moi, il me sort un truc de Tetris de mes fraises. Je suis à Tetris 99, je ne fais pas décoller les fusées, la plus petite fusée, je sais pas moi. Combien t'as dit minimum? J'ai des réponses. Si vas-y. Enfin, j'ai des... vas-y, vas-y, vas-y. 100 000, 200 000 ou 300 000? 200 000? Non, c'était 100 000. Ouais, c'est vrai. J'aurais dit 200 000 aussi, tu vois, je savais pas. Oui, t'as pas au milieu. J'ai jamais fait décoller la fusée. Ah oui, non, mais toi en plus, c'est pire que le premier quiz, c'est toi qui as choisi les questions. Seb. Oh, oui. Combien de pattes a un chat? T'as des propositions? Quel éditeur de jeux de société a distribué la Vectrex au début des années 80? Ah, ça me Vectrex. Dit quelque chose. La Vectrex, je vois la console. Nous avons trois propositions. Vas-y. Parker, MB ou Ravensburger? Je dirais MB. Bonne réponse. C'est du pif, je me rappelle. Ça me dit quelque chose, ce truc. Bah oui, c'est, tu sais, c'est les dessins vectoriels. Ça faisait que des fils de fer à l'écran. T'avais l'écran dans la putain, console, en fait. Ça y est, oui, oui. Ouais. Vas-y, sors-moi ma Nours. Question. Combien y a-t-il de teraflops dans droit, un processeur? Tu n'as pas le droit de proposition sur cette question. Ah bah super, vas-y. Dans Dragon Ball, que demande Oolong à Sheron pour culotte. Sauver le monde de Pilaf? Oh bah ça va, je dis rien sur les questions, ouais, non, là, non, j'avoue, bon. Il a été souple. Seb, oui. Dans Donkey Kong, quel était le nom de Mario? Oh putain. Ah, je le sais en plus, c'est horrible. Je peux pas répondre à sa place? Non, ça marche pas. Ah, je le sais, je l'ai sur le bout de la langue, c'est horrible. Pour moi, je donne pas des propositions parce que là, c'est pas normal. Bah, que tu saches pas, oui, on est d'accord. Ah ouais, non, non. Là, c'est. Par contre, le chrono tourne, là, on a fait un podcast, donc le silence, j'aime c'est pas pour ça. Je vais te dire que j'ai oublié. C'est Jumpman. Bien joué. C'est Jumpman, putain. Ouais. Je suis dégoûté. Et ben moi, je compte pas de poids, alors tu. Je l'ai oublié. L'ours. Vas-y, allez. Dans Dragon Ball, ça tombe sur toi. Ah, clair. Tortue Géniale participe au 21e Tenkanchi Budokai en prenant le pseudonyme de. Jackie Chun. Oh putain, c'est question. Je peux te dire qu'en finale, il va s'affronter Yamcha Tenchi. Vas-y, t'as qu'à lui donner 3 points direct, on en parle plus. Seb. Oui. Dans Gremlins 2. Ouais. Combien de Mogwai sortent du dos de Gizmo? Ben là, je t'aiderai pas, mon co. Allez, 3 propositions. Ouais, j'aime bien parce que là, je vais dire au pif. 6, 4 ou 2. Ah putain, j'aurais dit plus de 6, bah, ouais. Tu vois. Alors, je vais dire 6. Ils sont envahis, les bordels. Mais non, c'est 4. Ah, mais c'est après, c'est ils les sont Mogwai, multiplient. Ouais. Ah, après, ils sont les multiplient, les cons. Mais c'est quand ils attachent le bigot de Gizmo. Ouais. Nours. Vas-y. Quel est le premier personnage. Dans Dragon Ball. que l'on incarne dans le jeu vidéo Jurassic Park sur Game Boy. Oh, bah, c'est. ouais, tu vois, le mec là, le professeur Winchestone. T'as des propositions peut-être. J'ai John Hammond, ouais. Robert Muldoon ou Alan Grant. Alan Grant. Bonne réponse. Bah oui, je sais. Ça va pas être le vieux avec sa canne. Hein. Bah non, Hammond, c'est Hammond lui. C'est Hammond. Ouais, c'est pour ça. Seb. Oui. Quelle est l'une des spécificités majeures de l'armure de Tony Stark dans Iron Man 3? Trois propositions. Mm-hmm. Elle peut devenir invisible, elle peut être commandée à distance, ou bien elle permet de voyager dans l'espace. Hmm. Commande à distance? Exact. Ouais, c'est commande à distance. Puisqu'il a rien, à bout d'un moment, il prend un coup. Ouais, clac, clac, clac, clac. Donc, quelle était la somme très largement atteinte depuis dont l'équipe de Noob avait besoin pour entamer le tournage d'un long métrage sur le site de financement en ligne Ulule? Donc c'est pour la première trilogie de film, du coup. Et de combien ils avaient besoin à la base? Quelle était la somme dont l'équipe de Noob avait raison, qu'ils ont largement atteinte depuis? Oui, oui, ils ont atteint le million de toute façon. Donc, 11 000, ah, vas-y. 35 000 ou 60 000? Ils avaient demandé... Oh putain, j'ai peur, 60 000 euros, je crois. 60 000? Non, 35 000. 35 30... bah, là, sur le jeu vidéo, ils ont pété les millions, donc... Ouais. D'ailleurs, j'attends de le recevoir. mais il sort en 2020. Seb, par quelle société fut racheté Lucasfilm en 2012? Par Disney. Bien. Bravo. Ils rachètent tout Disney. Bon, Marc, oui. Si c'est pas eux, c'est... Ouais, si, c'est eux qui rachètent tout. Ils ont racheté Marvel, ils ont tout racheté. Ils vont racheter Universal bientôt. Nours. Oui, je t'en prie. En quelle année voit-on l'invention de la Game Boy? La Game Boy 1989. Bien joué. Joli. C'est une proposition. Ah, il y avait des propositions? Oui. Ouais. Attention pour la dernière je question. Je dis pas. Dernière question, Seb. Bah attends, t'as commencé par Seb. Non, je commençais pas. Ah ouais. Autant pour toi. J'ai commencé par Seb. T'as commencé par moi. Je sais plus. Donc c'est soit moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Et dans tous les cas. C'est notre dernière question. Et j'en ai moi, j'en ai. Il en a une lui, c'est ça? Non. Vas-y, on voit le steak. En quelle année apercevez-vous pour la première fois des jeux sur téléphone portable? Quelle année? Je vais dire 2000. J'ai des propositions. Ouais, vas-y, ouais, parce que j'ai dit un truc. 2009, 2007 ou 2005? 2005. Non. 2007. 2007. C'est au collège, sur mon téléphone, c'est les premiers. Mais j'ai eu mon premier téléphone à 12 ans. En 2007. Je n'en avais pas avant. Vous n'arriviez pas sur vos Alcatel, j'en avais sur mon Nokia. Bah oui, je suis en 85, 12 ans. Ouais. Je savais que c'était, j'avais pas eu de portable à 10 ans. Putain, allez vas-y, c'est bon. Mais moi je peux te le donner le résultat, mon coco, si tu veux. Allez, fais du bruit avec tes feuilles. Mais c'est un mec, il adore le bruit. Hein. Il devrait travailler en boîte de nuit, je crois. C'est clair. Ah, le support papier. Oh, il y a égalité? Non, non, tu as gagné. Deux réponses. Ouais. Les deux réponses de Dragon Ball. Ouais, facile. Ouais, bah je t'ai donné aussi la réponse que t'as pas donnée. Hein. C'est vrai. C'est moi le maître geek. C'est pour ça que c'est moi l'animateur. Donc, bah c'est... il était sympa ton petit quiz. Voilà, c'était tout. Donc, c'est bon pour ça. Et donc, bah, on va enchaîner pour la suite. Et pour la troisième partie, on est parti pour le test de Seb sur Toe Jam and Earl sur PS4. Bah oui, sur PS4. Allez, je t'en prie, vas-y, on t'écoute. Alors déjà, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu qui était sorti sur Mega Drive. Absolument pas. Pas du tout. Bah, c'est dommage. Donc en fait, l'histoire de Jam et Earl, c'est deux extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, qui se sont crashés, et leur but c'est juste de récupérer les pièces de leur vaisseau pour pouvoir repartir. Voilà. C'est un peu les zinzins de l'espace. C'est un petit peu ça. Dans l'idée. Alors après, un look très groovy, casquette, short, ils aiment bien la musique hip-hop, rap, un petit c'est peu. C'est les années 80 ça. Non, 90. 90, c'est très, plutôt, très années 90. Prince de Bel-Air. Donc c'est un jeu de plateforme. De plateforme. C'est un... Ouais, si, ça reste un jeu de plateforme. J'ai vu les images juste, j'avais l'impression que ça faisait très Don't Starve. Tu vois, jeu de survie, je trouve dans le... Ouais, c'est comment ça, c'est ouais. Un peu... C'est ça, mais bon, t'as quelques passages où tu dois sauter, nager... Ça, j'ai pas vu. Tu vois, voilà. Mm. Donc ça, je le qualifierais d'un jeu de plateforme, mais où tu passes ton temps à faire des recherches, répondre à des quiz, à faire de, passer des missions... Donc comme je disais, c'est alors on est sur un remaster, on n'est pas sur un remake, on est sur un remaster du jeu de du premier jeu sorti sur Mega Drive, parce qu'après il y a eu d'autres jeux sortis, il y a eu le 2 sur Mega Drive, il y en a eu sur Play 1, il y en a eu sur Play 2. Enfin, donc t'as dit c'est un remake. Là c'est un remaster. Un remaster. Là on est sur un remaster. Donc le même jeu en plus joli. Le même jeu en beaucoup plus joli. Oui bon mais évidemment. Donc il fait les deux, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc comme je dis, il y a plein de références aux années 90. Donc, ils vont. Tu vas voir des. Des lecteurs cassettes. Tu vas non. Voir. Non, mais tu vas voir les. Tu sais, les vieux lecteurs cassettes. C'est ce que je viens de dire. Non, ah, les Ghetto Blasters. Les Ghetto Blasters. Tu vas voir des Ghetto Blasters. Ils vont danser sur de la musique hip-hop. Tu vas voir des McDo. Tu vas voir des trucs comme ça. Enfin, plein de petites références qui étaient déjà sur le premier jeu. C'est de la pop culture. Voilà. Enfin, sont... maintenant, c'est dans la pop culture. Ils l'ont pas. Ils ont pas rajeuni dans l'année, quoi. Ils ont laissé tout comme c'était d'origine. T'es arrivé à la fin? Oui, mais alors sachant qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'accord, oui, va être un peu normal. J'ai fait le plus facile, je suis arrivé à la fin, j'ai retourné les pièces de vaisseau. Et tu t'es barré de la Terre. Voilà. Donc en fait, tu progresses sur plusieurs niveaux que tu peux. Après, tu dois. En fait, tu vas arriver à débloquer en ouvrant des cadeaux, des pièces, des chaussures, de quoi nager, peu importe. Et en fait, il faudra que tu reviennes aux anciens niveaux pour continuer ça, à faire tes recherches. L'idée Metroidvania, ça te débloque un pouvoir. Castlevania, ça débloque un pouvoir, donc tu peux explorer d'autres parties de niveau précédent. Tout à fait. Le gros plus. Alors, tu pouvais jouer à deux sur la Mega Drive. Tu prenais deux manettes, tu pouvais diriger deux persos, tu pouvais faire tes recherches à deux, c'était très rigolo. Ouais. Tu peux toujours le faire aujourd'hui, mais tu peux le faire en online avec un ami ou avec n'importe qui peut te rejoindre. Tu Tu peux lancer une partie et dire laisser la partie ouverte et quelqu'un te rejoint. Faut que tous les deux vous ayez le jeu. Ah, faut que tous les deux aient le jeu. Bien entendu. Ouais, bon, oui, évidemment, c'est une question con. Mais... Et du coup, est-ce que tu peux le faire en local? Ouais. Cette partie. Tu peux quand même. Tu peux quand même le faire en local. Ah, c'est rigolo. Donc tu peux varier ta difficulté. C'est intéressant parce que c'est quand même un jeu de recherche. Là, tu as des ennemis, il va falloir que tu combattes des ennemis, mais c'est plus au niveau des recherches que ça va être un peu plus tendu. Ils ont rajouté des skins pour les personnages qui sont très groovy, comme je disais, ils ont une skin un peu plus rajeunie pour le coup. Mais tu peux aussi jouer avec les anciens d'accord. Costumes, ouais. Costumes, tout ça. Ils ont inclus deux nouveaux personnages, c'est les copines des extraterrestres. Des extraterrestres. De Tojo, j'ai noté leur nom, Latisha et Liwanda. Voilà. Oui, toujours aussi simple. La musique est juste... Ça doit être un bon point. Juste super. La bande son, la musique est géniale. C'est délirant à souhait. T'es mort de rire quand tu joues à ce jeu. Les personnages sont complètement barges. Après, non... Donc là, mon test, du coup, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, je voulais le sortir aujourd'hui. Il sortira que lundi. Ouais. Bon, bah. J'ai carrément aimé. Parce que j'ai aimé le premier sur Mega Drive. Et là, j'ai. Tu as joué, toi, sur Mega Drive ? J'avais joué sur Mega Drive. Je connaissais. Alors... Et là, non, j'ai carrément revécu le truc et j'ai re-kiffé. Et donc, je le conseille fortement. Et est-ce qu'il y aura une suite, tu crois ? Parce que tu m'as dit qu'il y en a eu combien sur Mega Drive ? Deux ? Il y en a eu deux sur Mega Drive. Il y en avait un qui était en vue de côté, tu sais. Ah ouais, là c'est une vue ISO. Ouais, qui t'est moins bien. Là, d'accord, donc a priori... Je pense pas qu'ils referont une suite, mais ça annonce peut-être. Il n'y aura pas... Pas une suite, mais un remake ou une prolongation. Peut-être qu'ils font une prolongation, ouais. Ce serait intéressant. Et ça, j'imagine que c'est un petit jeu. C'est pas un jeu qu'on achète 70 balles. Il doit être une trentaine d'euros, je pense. Ouais. Je pense. Hein. Il est entre 30 et 40 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, Mais ça l'est vous. Ouais. Ouais. T'as joué longtemps avec ? Ah, j'ai passé quelques heures dessus, ouais. Ouais. J'aimerais bien refaire 2-3 parties encore. Donc satisfait. Complètement satisfait. Alors, j'essaye d'enlever les notes. Est-ce que tu veux noter ton jeu ? Non, je note jamais mes jeux. D'accord. On aurait noté en capuchon de coca. Ah, tu fais comme tu veux. Alors allez, en capuchon de coca, je lui mets sur combien de capuchons de coca ? Bah, sur 10 ou sur 20. Sur 10. Sur 10 ? Ouais. Je lui mets 8 capuchons de coca. Ah oui, donc ça t'a bien. Ça t'a vraiment bien accroché. Ouais. Voilà, Ils se sont vraiment bien appliqués dessus. Parce qu'après, on n'est pas des experts. Et puis, un jeu, chacun le ressent comme il veut. Donc, voilà. La note, elle est un peu bidon. Mais bon, en tout cas, ça t'a bien plu. Ça m'a bien plu. C'est bon pour ton petit test ? Moi, c'est bon. Yes, on enchaîne. Donc, prochaine section sur le test de Guise, du coup, Zelda Breath of the Wild, qu'il a pu tester sur Switch. Et je sens qu'on va rigoler. Allez, c'est parti. Et surtout, si vous aimez, pour les Nintendo addicts et les fans, rappelez-vous, Game of Guise, vous pouvez aller pourrir. Alors, allez, c'est parti. Moi, j'aimerais juste poser une question à Guise avant de commencer. De toute ta vie de gamer, tu as joué à combien de Zelda et c'était quoi le dernier auquel tu as joué ? Le dernier que j'ai joué, c'était sur la Wii. Et je pourrais pas te dire le nom. C'était avec le loup. Oui, il y avait le loup. C'était Twilight Princess. Twilight Princess. Avec le loup. Oui. Et le premier prêté. Et le premier que t'as fait, c'était Twilight Princess. Super Nintendo. Link to the Past. Oh ouais. Celui-là était terrible. Carrément. Bon, vas-y. Breath of the Wild. Pour reprendre ce que tu dis mon test. C'est pas un test. Non, moi, c'est un ressenti. C'est un ressenti. Je l'ai vécu ça comme une expérience. Une expérience. Il a cru qu'il était en VR. Non, franchement. Bon, je vais la faire courte. Je vais te nommer les points que j'ai pu déceler. Que j'ai pu détester. J'ai joué que 8 heures, par contre. C'est pas mal. T'as effleuré le jeu. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues. Mais justement, tu seras là pour me le dire si je me trompe ou pas. Vas-y. D'accord. Donc je tiens à dire quand même que je ne vais pas le démonter. Bon. C'est quelque part ça rassure. Parce que je l'ai quand même apprécié. Il y a des choses que j'ai pas appréciées. Mais comme tu dis, c'est le ressenti. Ah oui, après, ça. Ouais. Alors, je trouve que le personnage ne court pas assez vite, et surtout à mon niveau, j'ai un manque d'endurance. Ouais, ça. Ou quand t'escalades ou tout le bordel. Donc, l'endurance va augmenter, j'en ai certainement conscience, oui. Au fur et à mesure. Justement, tu dis escalade, trop loin à monter les montagnes. C'est pareil. Mais vachement pratique, par contre. Dans ce monde ouvert, tu peux monter n'importe quoi. Tu te dis, t'as une grande montagne. Mais tu peux la monter. C'est ce que je te disais. T'as vu, quand t'es de loin, tu dis putain, oui. Là-bas, je le vois, je peux y aller. Voilà. Mais bien sûr, par rapport à l'endurance, faut que t'aies certains rebords pour pouvoir te reposer. Sinon, mais tu peux pas. Je pense que c'est fait exprès pour pas pouvoir explorer tout ce que toi tu peux. Ah bah non, bah oui. Enfin, évidemment. Mais bon. Donc du coup, bah, troisième point fort, l'endurance fait chier, mais c'est ce qui rend le jeu réaliste. Ouais, oui, c'est bien. C'est bien formulé en tout cas. Oui, voilà. À moins que tu me trompes et que tu me dises que plus tard dans le jeu il y en aura, mais j'aurais bien aimé une esquive. Tu peux esquiver. Tu peux esquiver. C'est pas expliqué, mais tu peux esquiver. Ah. Il faut que tu ailles dans les aides, mais tu peux esquiver. Ça, c'est un point fort. T'as le pas de côté. C'est un point fort pour moi, puisque je trouve qu'il n'y a pas de tuto spécifique. Non. Je trouve que c'est pas assez expliqué. Dans le menu aide. Pas du tout expliqué. Non, mais je conçois. Et notamment... Si, il te l'explique dans les premiers sanctuaires. Mais après, tu le retiens pas. Quand tu te bats contre le la machine, le gardien, je crois. Ouais. D'accord, peut-être. Si, t'as le pas de côté, c'est sûr. Mais tu vois, pour cuisiner, par exemple... Rien n'est expliqué, tu dois te faire des trucs. Bah, tu testes. Tu testes. Les recettes, tu parles. Ouais, mais même, tu sais même pas comment tu dois cuisiner au début, tu vois. Et bah, tu prends des trucs et tu les fous dans une casserole. Niveau graphique, c'est un style à part, mais ça a son charme. Pour une petite console pareille, mon gars. Ouais. Non, c'est pas mal. Ça envoie du steak. Hein. C'est pas mal. Alors, monde ouvert, avec un univers gigantesque, même peut-être trop. Alors, pour ce que j'ai noté, t'as à peu près 360 km². Quand même. Un GTA 5 c'est 80 km². Donc ouais, c'est grand. Très grand. Mais c'est très très grand. Ah ouais, c'est excellent. Tu veux mettre un petit mot sur les sanctuaires ou je sais pas comment t'as fait ton... Les sanctuaires, oui, les sanctuaires, j'en parle. Il y a quelque chose qui te permet de... Pardon. C'est un champion celui-là. Non, il y a quelque chose qui te permet de détecter les sanctuaires. Une espèce de wifi. Oui. Qu'est-ce que c'est pénible. Bah, t'as fait tute. C'est un radar, tu vois. Ah. Tu le vois pas, le sanctuaire. C'est pas visuel, c'est... D'accord. Et plus tu t'approches, et plus ça sonne. Mais le problème, c'est que ça sonne tout le temps. Ah oui, non mais... Oui, mais c'est moi, horrible. C'est stressant. Tu peux le désactiver. Mais t'as toujours le signal, mais... Ouais. Ou la vibration. Mais si tu veux trouver le sanctuaire... Voilà. Après, si tu veux faire des recherches de sanctuaire, je pense que c'est possible. Du coup, là, tu te lances ça. Je crois qu'il y a 180 sanctuaires ou un truc comme ça. Donc... Je sais plus, on en avait parlé. Il y en a beaucoup. Mais alors attends, quand il est sous tes pieds et que ça vibre comme un connard, tu fais putain, mais il est où ce PD de sanctuaire ? Ben, il est en dessous, dans une caverne. Enculé. Pour ce qui est des armes, j'aurais préféré avoir une arme qui dure. Et non pas changer. Alors, parce qu'en fait, tu dois changer tout le temps d'arme. Tu ramasses une épée, elle a une durée de vie. Il y a toujours une durabilité. Dans tout. Tout. Dans les tout. Arcs et les forces. Ah, tu as des forces différentes, tu peux ramasser un os, il a deux forces. Quoi. Une branche d'arbre. Une branche d'arbre. Par exemple. D'accord, ok. Ça, c'est... J'aurais préféré avoir des armes que tu puisses... À aucun moment, t'as une épée, comme à l'époque Si, une fois que t'as Excalibur, c'est une épée qui dure tout le temps, sauf qu'elle se charge. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pas une durabilité, mais dès qu'elle est déchargée, tu peux plus l'utiliser. Faut attendre qu'elle se recharge. Elle se casse pas, par contre. Mais c'est la seule arme du jeu qui fait ça. Et l'arc de lumière que tu peux pas avoir si tu triches pas. Mais, Donc, ouais, bon, ça, oui, c'est... Mais la diversité aussi des attaques élémentaires, t'as peut-être pas eu les épées de foudre ou de feu encore. J'ai pas eu tout ça encore. Ouais, bon. Bah non. T'as vraiment des mécaniques. Parce que c'est un jeu dans lequel t'as tout en main directement, sur ta tablette par exemple. T'as tous les pouvoirs de suite. Ah oui, t'as déjà. Oui, et tu fais ce que tu veux. Ok. C'est super bien. Le coup d'arrêter le temps, enfin il y a plein de petites mécaniques. Ouais, j'ai vu une vidéo où le gonze il est devant un pont-levis, il tire sur les cordes qui tiennent le pont-levis, donc il les touche, sauf qu'il était trop auprès. Et le pont-levis lui est tombé sur la gueule. Voilà, donc t'as vraiment, tu peux tout faire. Après, c'est vrai que c'est réaliste parce que du coup, ben, le gars, quand il va dans les montagnes glaciaires, ben, il y va pas en slip quoi. Ah bah non, il se gèle. D'accord. Dans le désert, je sais pas, t'es parti de quel côté toi au début ? Du côté glace, pas côté désert. J'ai pas fait la chaleur. T'as commencé. Ah ouais, tu commences dans les pires. Oui, j'ai dû courir mon pauvre. Ah mais oui. C'est chez les oiseaux ça, la glace. Je sais plus. Bah, t'y es peut-être pas encore. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu parce que tu dois faire 1 million de kilomètres pour accéder à ta première quête. Alors, c'est ça qui me. Et après, t'as le cheval à débloquer, t'as plein de trucs. T'as un environnement. J'ai monté un cheval. Mais tu l'as pas gardé avec toi pour l'instant. Non. Voilà, non parce que je lâche, il se casse. Ouais. Après, tu peux être domestiqué, mais il y a plein de. Ou quand tu tombes sur un big monstre, tu te balades, tu fais oh, celui-là, il est gros. Tu peux pas le battre, t'as pas encore le niveau. Ouais. Malheureusement, c'est pas expliqué tout ça. Tu découvres. Tu le vois vite. Ou il te crève. Après, j'ai kiffé le petit passage paravoile. Le paravoile, ouais. C'est sympa. Énorme. Pour apprécier l'horizon, c'est énorme. Parce que du coup, je me suis fait un kiff. Tu vois, il y avait des ennemis qui me poursuivaient. Ouais. J'ai sauté d'une montagne. Paravoile, mon gars. Et là, tu voles et tu vois tout l'horizon. C'est énorme. Et là, tu le sais pas. Mais en plus, t'as le surf sur bouclier qui se rajoute après. Ah oui, carrément. Tu peux carrément, en descente, Tu cours, tu sautes sur ton bouclier, tu sors jusqu'en bas. Par contre, t'éclates la durabilité, du coup. Donc, c'est vrai que c'est... D'accord. Bon. Donc, du coup, pour mon verdict, c'est un jeu pour ceux qui ont du temps devant eux. C'est un monde ouvert. Ouais. Et qui aiment les mondes gigantesques. Donc, si tu as 200 heures à passer sur un jeu, faut foncer. Ouais, clairement. Et j'ai une gonzesse 1000 heures de jeu. Voilà. Oh la vache. Parce que quand tu vois le nombre de choses qu'il y a à faire... Il y a toujours un truc à faire. Toujours. Il y a toujours un endroit où tu fais, putain, c'est quoi ce truc ? Oh, j'y vais. Ouais. Il y a un truc à découvrir. T'as pas parlé de la météo dynamique aussi ? Je sais pas si t'as vu. Quand il y a de l'orage. Oui. T'as remarqué ? Non. Quand t'as de l'orage, si t'as une épée sur toi, eh ben, tu vas attirer la foudre. Donc il faut que tu déséquipes tous tes éléments métalliques. J'ai pas eu d'orage encore. Bien vu. Non ? Ah ben... J'ai vu que le temps filait. Ouais. Ça, je l'ai remarqué, la journée, t'as des heures à chaque fois. Mais quand t'as un orage, t'as des éclairs sur toi. Donc ça veut dire que l'orage, il va te taper. Donc si t'as une épée, tu la vires. Mmh. Tu prends une épée en bois ou un bouclier en bois. Ah ouais, d'accord. Oh, il y a des. Mmh. Il est très généreux ce jeu. Après, t'as tout dès le début. Ouais. T'as les armes, les arcs, t'as tout. Ouais. À toi de trouver les armes les plus fortes. Ouais, mais sachant qu'au début, t'as un petit chiffre quand même sur les armes. Oui, un petit chiffre. Ouais. Mais t'as des trucs, par exemple, tu peux avoir l'épée à deux mains qui frappe très fort mais qui est pas très rapide. Tu peux prendre une main, un bouclier, donc tu peux te protéger. Parce que c'est chose que tu peux pas faire. Je crois aussi que quand tu vises avec l'arc, t'as le temps qui ralentit. Ou c'est peut-être un pouvoir que t'acquiers après. C'est un pouvoir que t'acquiers après, ouais. Mais enfin, vraiment bien. Les sanctuaires, il y en a plein. Et t'as pas, du coup, vu les vrais gros donjons, qui sont les créatures divines, quatre grosses créatures divines, où t'as des énigmes encore plus intéressantes. Des petits donjons, mais ils sont c'est super bien fait. Et le passage en 3D, t'as une verticalité dans ce jeu, t'as des gouffres, tu peux monter très très haut. Voilà, enfin voilà, moi j'ai kiffé. On retrouve quand même toutes les bases du Zelda, le monde d'Hyrule. Bah, je pense qu'il n'y a que ça. La princesse, le village Cocorico. Si. Un truc chiant, ouais, cette putain de lune rouge, qui est là presque toutes les nuits. Quand il y a la lune rouge, t'as tous les squelettes qui sortent de la plaine. Ouais, j'ai croisé ça. Putain. Et c'est pratiquement une nuit sur deux. C'était dans... Ça a commencé avec Zelda Ocarina of Time, ça, où ils sortaient des. Ça te pète tes couilles. Ah oui. Eh bien, je suis étonné. Tu pensais que j'allais lui démonter la tête ? Non, je pense que t'es assez sérieux. Donc, je me dis, comment dire ? Logiquement, quand même, tu peux pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est impossible. C'est pas ce qui me ferait acheter une Switch. Non. Mais je suis content d'avoir une Switch à la maison pour l'avoir testé. Mmh. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, il vaut quand même le coup de le tester. Oui. Mais tu pourrais pas le finir, jouer ? Je pense pas que je le finirais. Je pense que pour moi, il y aura une fin de vie très très, très vite. Ça va vite me saouler de devoir faire tout ça, en fait. T'as la montée en puissance du perso. Hein. Au bout d'un moment, quand tu dis « je galère contre lui » et qu'après t'arrives, « toi t'es mort ouais. ». Les gros gardiens, t'as dû les croiser, les espèces d'araignées. Oui, avec leur laser. Avec leur laser. Ouais. Moi, j'arrive à un stade où « vas-y, viens, il y a moi, non. Dépouille ouais. !» C'est vraiment jouissif. Yes, mais je suis assez surpris et content. Du coup, tu te feras peut-être des amis, tu vois, finalement. Ouais, c'est bien. Il a récupéré une communauté là, magnifique. Wow. Vive Zelda. Vive Zelda. Et on termine sur ces mots. Et on enchaîne par le dernier moment. Ça, c'est moi qui en ai parlé. Les tendances qui nous agacent, parce qu'avec les mondes modernes et les réseaux sociaux, eh ben, il y a plein de trucs qui nous cassent les couilles, j'imagine. On est des vieux cons. Voilà, on est des vieux cons. Ben Seb, vas-y, premier vieux con. Dis-nous, qu'est-ce qui sont les tendances qui t'agacent ? Une tendance qui existe depuis quand même un petit moment sur YouTube et qui m'agace, c'est le putaclic. Le putaclic, pourquoi ça m'agace ? Parce que quand je vois une vidéo d'un gars assez connu qui parle toujours bien et tout ça, qui te dit les infos sur la PlayStation 5 et que tu t'aperçois qu'en fait il ne te parle de tout sauf des infos réelles sur la PlayStation 5... Ma chaîne va peut-être fermer. Ouais, ouais. Ça me casse les berles. Je veux, quand je clique sur un titre, c'est pour avoir des informations. C'est pas pour avoir des... D'accord. Je crois que, peut-être que, j'imagine que... Ouais. Dans ce cas-là, tu dis j'imagine... Voilà ce que j'imagine de la PlayStation 5, mais pas. Oui, j'ai des infos sur la PlayStation 5. Bah, oui, mais... Voilà, ça me fait. YouTube monnaie, mon poteau. Voilà, c'est que pour le free. Des putains de rumeurs. YouTube, oui. YouTube, je l'ai commencé depuis un petit moment. C'est devenu une poubelle. On était là, ça n'existait même pas. Alors. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de YouTube. Tu vois, j'ai arrêté de faire mes vidéos tout ça parce que t'as rien. C'est hyper dur de trouver un contenu intéressant sur YouTube. C'est devenu une poubelle. Les gens, dans toutes leurs vidéos, ils te marquent. Et n'oublie pas de mettre un commentaire. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et un pouce bleu. Et abonnez-vous et la petite clochette. Ouais, voilà. C'est bon. Si j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas besoin qu'on me le. Rabâche sans arrêt. Ouais. Voilà. Tant qu'on est sur YouTube, t'as des trucs à dire, toi, sur YouTube ? Sur YouTube ? Donc, à faire, tu abordes le sujet YouTube. Pas spécialement sur YouTube. Sur YouTube. En gros, moi, si, il y a un truc qui m'agace sur YouTube. C'est les vignettes où les gens, ils ont des expressions de trou du cul, genre « Oh ! Ah ! Ah ouais. Eh !» Ok, j'ai envie d'aller le voir et tu vois, une petite mandale dans la gueule. Les joueurs à Resident Evil, ils font style d'avoir peur. Ouais, voilà, non mais c'est bon. Déjà, leur gueule, ça m'intéresse pas, tu vois, réellement. Je crois que c'est Squeezie qui avait lancé un peu ce mode, là, et puis... Ouais, c'est vrai. Alors oui, il c'est... beaucoup. Quand il y en a un qui le fait, c'est rigolo, mais quand tout le monde le reprend, ça va te faire... Voilà. Ils le font tous. Pas d'accord. Ouais, ça c'est... Tous ressemblent sur YouTube. Tous ressemblent. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qui t'agace d'autre, tiens ? Deuxième truc qui m'agace, c'est... On va rester sur les réseaux sociaux, c'est... Enfin, on va passer sur les réseaux sociaux, c'est les clashs qu'il y a sur... principalement sur Twitter. C'est infect. Alors, en général, donc, sur Twitter, je suis... Surtout le réseau jeux vidéo, pop culture, tout ça. Ouais. Quand je vois les mecs qui se clashent entre eux, alors qu'on a tous une passion en commun, c'est complètement piton. C'est « Ah ouais, mais lui, il a pas arrêté de dire ça, machin. » En plus, il le cite pas. Bah oui. Il le cite pas directement pour pas que le... Ça, mais ça se sait. Alors, je réponds jamais. Je cache jamais, je réponds jamais. Des fois, on m'a balancé deux, trois trucs. J'ai répondu gentiment parce que je suis pas comme... Je suis pas comme ça. Ah ouais ? Non, ouais, je suis pas comme ça. Je pars pas au clash. Petit truc qui m'est arrivé sur une vidéo, le mec il m'a dit « Tu sers à rien, je vais me désabonner. » J'ai fait « Désabonne-toi, qu'est-ce que ça peut me foutre ?» Voilà, mais c'est tout. Hein. Ouais. Voilà, il faut être comme ça avec ses abonnés. Non, bref. Non, je... On s'en bat les couilles des gens, attends. Je réponds pas. Bon, maintenant, le clash est devenu partout. C'est devenu partout, pareil. Mais Twitter, c'est la haine à l'état pur, j'aime ça. Sur c'est Twitch, je suivais la dernière fois un gars que j'aime bien sur Twitch. Ouais. Et en pleine... En plein live, il avait une trentaine de viewers. Il y en a un qui n'arrêtait pas de lui casser les couilles. Bon, c'est... Je crois que je l'ai vu, non ? Il pète un plomb ? Non. Il reste zen, puisque les autres, en fait, on était tous là pour le soutenir en lui disant « Non, c'est bien ce que tu fais, tout ça, machin. » Il était content. Il a dit « Je m'en fous de lui. » Non, mais les toxiques et les trolls, ben ouais, mais ouais. Ce principe de se clasher pour se clasher, ça me saoule. Et du coup, j'en ai rajouté un tout petit vite fait. Vas-y. Je tiens à féliciter le journaliste du Parisien. Je ne sais pas si vous avez vu qui a fait la critique sur Dragon Ball Broly. Voilà. Alors, juste pour info, quand on connaît pas son sujet, on fait pas de. Ça sert à rien. Voilà. Parce que quand on va dire que Son Goku affronte des ennemis à tête de reptile, voilà, ça a fait rire tout le monde. Tout le monde s'est bien foutu de sa gueule. Voilà. Non. Mais les journalistes ne connaissent pas le jeu vidéo. Les meuporgues, je te rappelle. Donc, à quoi ça sert de parler d'un sujet qu'on ne connaît pas ? Oui, quand il dit le film est fait pour les fans, oui. Je suis complètement d'accord. Oui. Maintenant qu'il n'aille pas balancer tout un tas de conneries. Mais il n'a pas regardé ça comme un passionné. Voilà. Et j'attends toujours. Toute la communauté attend toujours des explications du Parisien qui ne sont jamais arrivées. Je crois qu'on n'en aura jamais. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des fans de Dragon Ball ? Donc c'est bon pour toi ? Moi, c'est le sujet qui t'agace ? J'étais soft. Moi j'ai mis une putain de tartine. Je me doute pas. Vas-y mon guise. Allez, vas-y. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose. Alors moi ce qui m'énerve le plus au point, c'est les vidéos YouTube ou Twitter aussi. Les opening packs. Oh putain, ça je l'ai aussi. Les unboxing Apex ou du Dokkan Invocation. Oui, que ça. Que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de voir que t'as eu 10 persos? Ah, j'aime bien. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que je m'en branle que t'as eu telle skin ou telle skin pour telle arme ? Je ne l'ai pas, je m'en branle. Je comprends. Ça me stresse, moi. Ça m'énerve. Un pack opening, si c'est bien fait, si c'est bien monté et tout, moi, j'aime bien. Moi, je trouve aucun intérêt. Regarde Gotaga, désolé. Ah oui. Non, bon, s'il fait ça, voilà. Non, oui. Il a acheté gavé de packs apparemment sur Apex et il a fait une vidéo. Il les ouvre. Mais c'est super. Alors après, ça dépend de quel... Quel jeu ? Oui, sur Apex, ça doit pas être forcément super intéressant. Il y en a qui l'ont fait sur Rocket League aussi. Sur les cartes Pokémon ? Les cartes Pokémon, je trouve ça... Mais quel intérêt ? Les cartes Dragon Ball. De voir des cartes que tu n'auras pas en plus. Non, je... C'est la petite hype. Si c'est bien tourné, s'il y a la petite musique qui va bien, s'il y a le petit... Il y en a qui sont marrantes. Ouais, moi, par extension, les unboxing, ça m'agace, mais au plus haut point. Ah, les unboxing. Regardez, j'ai reçu ça. Oh là là, l'emballage est super. Là, franchement, le téléphone est super bien calé. Waouh. Attendez, je vais pas l'ouvrir de suite. Oh, ils ont mis des écouteurs. Mais va te faire enculer. Déjà, moi, mon... Normalement, t'avances de 40 secondes. Toujours pas intéressant. Une minute, mais tu finis par virer la vidéo. Voilà. Moi, justement, dans le truc, quand je reçois un truc, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais après, c'est peut-être moi, mais voilà. Moi, j'ai ma surprise et tout. Les unboxings, je trouve ça. J'ai envie de faire un unboxing d'un paquet de petits lus. pour dire qu'il est bien emballé. Ils ont mis des petits sachets individuels. Oh, vous avez vu, c'est argenté, tu vois. C'est pas mon délire. Tu veux faire des unboxing de paquets de cigarettes? Mais je suis sûr, ouais. Une cigarette, deux cigarettes. Genre que tu fais ça, tu fais des vues, mon gars. Vidéo putaclic. Les Marlboro descendent le prix. Voilà. Ah ouais. Sont-elles toutes pareilles? Ah! Avec ta belle tête qui... Ouais, surprise. Oh, les cons. Alors, il y a aussi des pubs que tu regardes pendant YouTube, Facebook, Twitter. Je l'ai noté aussi. Les jeux Android. Permanentes. Les pubs permanentes. Partout. Tout partout, le temps. Partout. Alors, sur YouTube, autant ils ont mis un moment foutré trop au début, ça pourrait passer, autant tu me la cales en plein milieu de la vidéo. C'est bon. T'es obligé de la regarder si tu veux voir la suite. Ou de cliquer sur ignorer pour dire oui, je suis bien là, j'ignore. Oui. Tu regardes une vidéo de 20 minutes, t'as des pubs toutes les 5-6 minutes. Voilà. Et bien, c'est agaçant. C'est... En plus, c'est pas. Et t'en as partout. Ça, ouais. C'est... Même sur Twitter, bon, c'est moins invasif sur Twitter, mais t'en as partout, moins. Partout, ouais. Partout. Toutes les applications. Tu joues un jeu sur ton téléphone, t'as une pub. Sauf si tu l'achètes. Mais ouais. Voilà, non, non c'est pareil. Si tu veux un petit cadeau supplémentaire, faut regarder une pub. Ah oui, 30 secondes pour avoir 5 j'aime à la con. Je t'ai bien baisé, mon copain. Ouais, je suis d'accord, ça c'est vraiment une tendance actuelle. Et n'oubliez pas d'acheter les Krusty Choc, les biscuits qui croustillent. Oh, je vais rester dans les pubs. Vas-y. Alors, je sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, c'est agaçant. Les pubs à la télé. 3 pubs de 5 minutes, voire 10 pour un épisode de 40 minutes. Je regarde pas la télé, vive Netflix. Ouais, mais voilà, vive Netflix, oui. Je suis d'accord. Mais après, ils se disent, ah oh ouais, mais Netflix, ça tue la télé. Tu m'as dit, c'est agaçant. Normal. Tu m'as dit, tendance agaçante, ça m'agace. Je comprends. Ça m'agace. Tu veux sur un truc à la télé, il faut que tu tapes toutes les pubs. Non, mais je comprends. Alors, très encore, c'est un truc que je le pire, rejoindre. C'est, attends, les replays. Dans les replays, ils voilà. Te foutent des pubs. C'est ce que j'allais te dire. Là où je rejoins Guy, c'est que tu regardes ta série sur TF1, ok, pouf, ils vont te couper entre deux scènes pour te mettre la pub. Tu regardes sur la replay, ils te coupent n'importe où pour te mettre la pub. C'est vrai. C'est pour te mettre la même pub qui a été vue au début de la vidéo. Oui, c'est en plus, c'est toujours la même pub. Le gars, il est en train de sauter de l'immeuble, ils vont te couper. Ah, c'est vrai, pour acheter un cache-caille. Alors, par contre, ce qui concerne la télé, normalement, il y a une loi qui va passer là. Enfin, c'est... Oui, que pour France Télévisions, non, certainement. Non, mais non, ce sera toutes les chaînes à même partir de 20h le soir, elles n'auront plus de passer de clôture de passer. On va voir ça. Je suis. Oui, pourquoi pas. Non, je crois que ça va. Je m'en branle la télé. France Télévisions, c'est obligatoire, mais les autres aussi, je crois. C'est bon. Oh putain, j'ai oublié de dire tout ce que j'avais fait. Ça changera pas Netflix, quoi. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Non, c'est pas grave. Au tout début, là, j'ai pas dit tout ce que j'étais en train de faire. J'ai parlé des news, mais j'ai pas parlé de ce que je faisais. Bon, c'est pas grave, on verra. Top. Ouais, parce que les news, c'était pas compris dans ton truc. C'est toi qui as rajouté les news. Oui, ben oui, voilà, oui, c'est ça. C'est bien fait pour toi. Pas tant pour moi. Bon, je te coupe. Et pour la. Je sais pas si c'est tendance, mais ça m'agace. Les émissions de cuisine. Faut arrêter. Bah, c'est... Ouais, après, ouais. Tout ce qui est Top Chef, Master Chef. Mon plus grand pâtissier, le roi des gâteaux. Cyrignac par-ci, Cyrignac, je t'embrouille. Bientôt, ça sera Cyrignac, le grand frère. À ce moment-là, il faut dire la télé-réalité qui aurait été. Oui, les anges, les Marseillais. La cuisine, surtout. Tout le soir, t'as un truc de cuisine. À ce moment-là, tu regardes plus rien. Appartement ou appart, là, ça dure depuis combien de temps? Tous les trucs comparatifs. Mon meilleur mariage, ma meilleure villa, mon meilleur. Mon truc de camping, là, je sais pas quoi. C'est des émissions de télé-réalité. Faut pas s'étonner qu'on regarde tous Netflix. C'est ça. Je suis d'accord. C'est en plus, sur l'année, c'est moins cher que la redevance télé. Bon, franchement, la redevance. Netflix. Honnêtement, on me dit, tu payes plus la redevance télé. Ah, bah, tu ne regardes plus France Télévisions, d'accord. Je la paye plus. Ça marche. Les trucs privés, je m'en fous. Supprimez-les. Et TF1 qui avait dit à un moment donné, nous, on sort du bouquet de free. Mais sort du bouquet de free. Qui c'est qui va te regretter, mon gars? C'est ça, je crois. Il y a eu une histoire. Ouais, comme ouais, ça. Ou Orange ou SFR. C'est free, c'est free, je crois. On s'en branle. Ouais, total. Toi, pour les trucs qui agacent? Pour moi, c'est bon. C'est bon, t'es assez agacé. Pourtant, vu ton caractère, il me semble. J'ai les gens qui photographient sans cesse leur figurine, faut arrêter. Les gens qui se font des selfies, faut arrêter. Selfies? Tu en vois beaucoup de selfies? Ah oui, sur Twitter. Putain, c'est vrai. Ouais. Les figurines, Et qui photographie tout, n'importe quoi aussi. C'est pareil. Comme nous, on a fait des vidéos avant de. Enfin, une photo avant de commencer. Regardez nos micros, on a pris des bières en photo. Ouais, c'est pas con, on aurait dû faire ça d'ailleurs. Mais on l'a fait. On l'a fait. Ah, vous l'avez fait? Ah ouais, nous on l'a fait nous. Vous avez tweeté? On a tweeté. Vous êtes con. Ça c'est une tendance qui nous agace. Allez, ouais. C'était pour te faire chier d'ailleurs. Moi dans les tendances qui m'agacent. Il y a eu la pression à mettre sur les SAV de grands distributeurs sur les réseaux sociaux pour avoir gain de cause. Puisque ça m'est arrivé. On sent le vécu, ouais. Ouais, on sent le vécu, ouais. Tu vois, je veux faire un délai de rétractation avec mon téléphone. Il faut, je bataille avec la gonzesse par mail. Non, une fois que je l'affiche sur Twitter, ah ben elle m'a appelé de suite pour me proposer un compromis. Je devrais pas avoir faire ça. C'est bon. Ça, ça marche bien. Quand t'es, ben oui, mais quand t'es dans ton droit, merde. Pourquoi je suis obligé de t'afficher? Et puis en plus, ils regardent. Si plus t'as de monde qui te suit, alors plus vite, ils, eh ben oui, ils sont voilà. Actifs. Mais ça, c'est ça m'agace. Il y a les portables haut de... les smartphones haut de gamme qui sont toujours de plus en plus grands. Je voulais changer de téléphone, je voulais de la puissance, mais je voulais pas un téléphone aussi grand. Mais t'as pas le choix. Voilà. Parce que, tu vois, ils vont plus dans des petits formats. Le truc, c'est des grands trucs. S15, 131 cm. Voilà. Si, le nouveau Samsung, S10e essentiel, qui fait la taille d'un téléphone portable. Hein? Il fait pas 12 pouces et demi. Non, enfin voilà, ça me gosse un petit peu. Les algorithmes à la con décident de streaming du genre Netflix, qui te propose des films ou des séries en te disant jugé à 95%, recommandé à 95%. Oui, ouais, tu le vois. Ouais. Sauf que c'est pas recommandé par des utilisateurs, c'est recommandé par un algorithme qui dit t'as regardé ça, ça et ça, ah ben ça va t'intéresser, tu vois. Ouais. Donc c'est de la merde. C'est pareil, la série Netflix où ils te mettent de nouveautés, mais des trucs qui sont sortis déjà il y a 6 mois. Ouais, et les nouveaux épisodes. Ouais. Pauvre con. Ah putain, oui, les précommandes qu'on nous demande, précommandez-le en avant-première alors que c'est moins cher le jour de la sortie dans les grandes surfaces. Pourquoi tu veux que je précommande un truc à 70 boules? Et puis moi, j'adore le mec qui précommande son jeu, tu sais. Et puis en fait, 3 jours avant, tu l'achètes avant lui et lui, il est dégoûté. Ouais, c'est pas normal. Ben oui, fallait pas l'acheter 70 boules. C'est ça, 70€ pour l'avoir 3 jours après tout le monde. Y a ça qui me fait rire. Putain, moi j'ai vraiment plein de trucs. Payer des early access pour des jeux qui sont loin d'être finis. Donc pour un jeu qui va sortir 6 mois, 1 an, ok. Pour des jeux, ça fait 3 ans qu'ils sont en développement et le jeu il est toujours aussi à chier. Ça daille d'acheter un jeu à ce stade-là. Oui. J'aime bien acheter un jeu fini, c'est mon avis. Totalement d'accord. Voilà. Il y a beaucoup de jeux pas finis. En plus, il y a des jeux pas finis qui sortent finis, soi-disant finis, et qui ne le sont pas. Et qui profitent d'une mise à jour pour oui. Se terminer. Quoi. Ben oui, mais oui. Je trouve ça dégueulasse de faire payer des gens pour un truc pas super. En restant dans les jeux, il y a les Season Pass qui m'agacent. Ne pas te fournir le jeu complètement, juste limiter le contenu et te le revendre au fur et à mesure après. Pour tout ça, à la fin, te sortir une version gold de mes fraises. Ouais. C'est dégueulasse. Ça m'agace. Super. Comme Apex par exemple, tu parles Non, comme les jeux de baston. Les jeux de baston, comme FighterZ quoi. Ils te sortent les persos quand tout. Et à la fin, ils vont te sortir un pack. Sachant que Season Pass passe à l'année, c'est-à-dire que tu prends ton premier pass, t'as tous tes persos, mais pour si l'année. Tu veux les persos de l'année suivante, il faut repayer un Season Pass. Ah, oui. Et si t'attends 3 ans, ils vont sortir le Gold Edition ou l'Ultimate Edition, il y aura tout dedans. Et bien ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a ça, il y a les jeux à connexion permanente qui t'obligent, même les jeux solo, où t'es obligé d'être sur internet pour pouvoir y jouer. J'ai pas d'exemple comme ça, mais bon, je trouve ça inadmissible. Les collectibles dans les jeux vidéo, quand ils te disent récupérer 500 plumes pour terminer le jeu à 100% et avoir ton platine, va te faire foutre. Après, c'est mon avis, mais ça m'agace d'aller dans tous les recoins pour choper des collectibles. Et dans Horizon Zero Dawn, c'est comme ça. Mais je platinerai pas, tu vois. Oui. C'est pas possible. Ça ne passe pas pour moi. Récupérer toutes les fleurs métalliques. Récupérer tous les nubucs, les trucs comme pour ça. Pour moi, c'est de la durée de vie artificielle du jeu. Ah, bien sûr. C'est juste pour te faire rester dessus. Voilà. Et dernière chose, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent. C'est clair, t'es vénère, toi. Les boutiques geeks. Alors ça, c'est parce que c'est un truc que j'ai vu. C'est le site que je ne citerai pas, mais qui s'appelle Boutique Geek. Qui vend une petite console dans un carrossage de Super Nintendo. Plus de 150 boules en disant qu'il y a 50% de réduction et qu'elle coûtait 300 balles. En gros, c'est un Raspberry Pi qu'ils mettent dans une coque chinoise, donc il y en a pour 60 balles. Ils te la vendent 150 et ils mettent 7000 ROM de jeu dessus. C'est complètement illégal, les gars. Vous n'allez pas vendre de la merde à ce prix-là. C'est complètement illogique. Donc franchement, si vous faites serrer, c'est bien fait pour votre gueule. Voilà. Après le coût du prix, réduction de 50% non, avec un faux prix, bon, c'est le commerce. 150 balles pour un Raspberry Pi avec une coque chinoise, non. Après, non. C'est pareil, tu retrouves de vie console toute pourrie sur Wish comme ça. Oui, eux ils sont chinois. Là, on est en France, mon gars. Et de plus, ils n'ont pas proposé des jeux piratés sur leur console. Ah, si les gens veulent pirater, ils se démerdent comme des grands, comme on fait tous. Ok. Ça m'a vraiment agacé. Franchement, je les ai signalés sur Twitter carrément. En disant que c'était de l'escroquerie. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Non, mais oui, ça m'a agacé. Voilà, c'est le dernier truc qui m'avait bien remonté. On le sent, t'es tendu. Et donc, du coup, on arrive à la fin de notre émission. Donc, on est bien. Voilà. Donc, ben, j'ai plus qu'à vous dire merci pour cette soirée. C'était très sympa. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Le mois prochain. Voilà, le mois prochain. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Ah, vous avez pas soif ? Dites bien. Allez. Allez, c'est parti.